Donc voilà, beaucoup de choses encore ce soir au programme donc de cette émission. Et puis un mot aussi de biathlon, puisque c'est bientôt la fin de la saison avec voilà des bientôt donc les gros clubs qui vont être distribués. On va en reparler dans quelques minutes. Voilà pour le programme. Et puis au niveau des directs ce soir, 4 rencontres à suivre. L'Italie, ce sera à partir de 20h45, Cremonese Fiorentina. Nous aurons aussi à 20h45 la Ligue 2, Annecy 3. Donc ce sera donc à 20h45 également. Le leader 3 en déplacement à Annecy, un gros match hein, en prévision pour 3 qui va tenter de s'imposer pour prendre 4 points d'avance sur Saint-Étienne qui est deuxième. Annecy de son côté pourrait en cas de victoire revenir voilà 42 points à quelques encablures des places de barrage. Donc c'est vraiment un gros match pour ces deux clubs là. Donc dans 10 minutes. Ensuite en Espagne, c'est à 21h Rayo Vallecano Levante. Et puis en Angleterre, Brentford, Wolverhampton, donc 21h également. Voilà le programme des directs ce soir. Pour nous écouter, radio-arc-en-ciel.com, bien sûr, le site internet, et bien sûr aussi pour nous joindre 02 38 434 800 pour réagir, intervenir en direct sur l'actualité sport. L'arrêt d'arc du sport, donc, ça démarre maintenant. Ça démarre maintenant, si ça veut bien partir. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et démarrons tout de suite cette émission avec, je vous le disais il y a quelques secondes, la fin prochainement donc de la saison de sport d'hiver, la saison de biathlon notamment, avec une ultime étape qui aura lieu donc cette semaine. On se fait un petit retour sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de Otepää, c'était en Lettonie, avec un programme sprint, poursuite et relais mixte pour les derniers relais mixtes de la saison, avec une victoire française. C'est Julia Simon qui a remporté le sprint devant Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod, troisième, qui a pris des gros points pour le général. Notez la cinquième place au CN Michelin, c'était vraiment un beau tir groupé pour nos Françaises. Justine Brunel 12e, donc vraiment très belle performance. Les hommes avec la victoire de Sturla Lagreid devant Emilien Jacquelin, qui a pris une très très belle deuxième place, auteur là aussi d'un 10 sur 10, devancé seulement par Lagreid de 10 secondes sur les skis. Les poursuites qui avaient lieu samedi, dominées une nouvelle fois par la Norvège Lagreid, auteur d'un très très beau 19 sur 20 dans des conditions dantesques. Incroyable poursuite que l'on a vécue, et un 19-20, c'est vraiment du très très grand tir. Il termine avec 2 minutes 30 d'avance sur Emilien Jacquelin, lui autour d'un 15 sur 20, avec 5 fautes quand même, c'est énorme, et ça permet quand même d'être deuxième sur cette course malgré 3 erreurs au dernier tir debout. Il a réussi à conserver ses deuxième places, puisque derrière tout le monde aussi a craqué hein. C'est Martin Uldal, le Norvégien, qui termine troisième. À noter que Fabien Claude, c'est le deuxième français avec un 16 sur 20, il est sixième. Eric Perrault, 11e, 7 pénalités, hein, d'un 13 sur 20 seulement, ça a été vraiment très très compliqué. Hein. Le tir, c'est pas le plus mauvais au tir, puisqu'il y a eu des 10 sur 20, des 11 sur 20, voilà, c'était vraiment très compliqué cette épreuve de poursuite avec tellement de vent. Et il a perdu quelques points quand même, Eric Perrault, sur ses poursuivants en général, notamment Samuelson, lui cinquième. Mais voilà, malgré tout, il a quand même marqué des points. C'était l'essentiel. Si les dames, là aussi, des conditions très compliquées. Samedi, c'est Lisa Vitozzi qui s'en sort le mieux, avec un 18 sur 20. Minkinen, la finlandaise, deuxième. Lou Jean-Mono, troisième. Elle aussi est auteur d'un 19 sur 20, qui s'est accroché. Alors, elle termine juste derrière la finlandaise au sprint, mais voilà, elle a perdu quelques points, mais vraiment très très peu par rapport à la finlandaise. Justine Brezas 4e et Ozéane Michon 5e, un beau tir groupé des françaises. Julia Simon partie en tête, termine que 9e avec 6 pénalités. Là aussi c'était assez logique. Et puis les relais mixtes hier, ça s'est pas bien passé pour les Français. Le relais mixte simple d'abord, c'était une équipe de France composée d'Emilien Jacquelin et de Camille Benet. Malheureusement, les Français n'ont pas pu terminer. La faute à Emilien Jacquelin, auteur d'une erreur sur le tir, qui a tiré quatre tirs de pioche au lieu de 3. Et la conséquence, elle est rapide, c'est une disqualification immédiate. Donc la France n'a pas pu terminer, malheureusement, ce relais mixte simple. Donc voilà, les Français donc pas classés sur cette épreuve. Et puis sur le relais mixte classique, bah, voilà, compliqué aussi pour les Français, seulement 8e, hein, 15 pioches, 4 tours de pénalité. C'était vraiment beaucoup trop pour espérer bien mieux dans cette épreuve. C'est la Suède qui s'impose devant la Suisse, surprenante Suisse, et les États-Unis, 3e, un podium assez inhabituel, en tout cas pour les deux, et 3e, et donc la France seulement 8e, la Norvège 5-6e. C'est la Norvège qui remporte d'ailleurs le gros globe des épreuves de relais mixtes, donc la France qui était devant avant ces relais, mais ça s'est pas bien passé comme je vous le disais, et donc ça leur échappe pour cette saison. Dernière et ultime étape. Donc ce week-end, enfin cette semaine même, ça va s'étaler tout au long de la semaine, cette épreuve à Oslo, les finales comme d'habitude, qui se dérouleront à partir donc de mercredi, de jeudi même, jeudi, pour lancer les hostilités avec donc les épreuves femmes. Donc d'abord le sprint vendredi et le sprint homme. Nous aurons les poursuites qui auront lieu samedi, puis les masters dimanche. Voilà, c'est du grand classique pour terminer la saison. Pour les nos Français, Lou Jean Monod et Éric Perrault, ce sera normalement dans la poche, ce gros club. Si ça se passe bien, il faudra vraiment une catastrophe pour ne pas s'imposer, hein, voilà, puisque ils sont quand même bien devant, hein, donc et puis pour les petits clubs aussi, il y a encore de grandes chances de victoire. Donc on le verra donc tout au long de cette semaine donc de biathlon à Oslo. Et donc la France qui est en tête aussi pour la Coupe des Nations, le trophée vraiment de toutes les compétitions de toutes les nations, et bien ça se jouera aussi cette semaine sur cette ultime étape. Voilà donc pour clôturer cette saison de biathlon à Oslo en Norvège, donc cette semaine. On poursuit et on passe à tout à fait autre chose avec donc la suite de la saison de Formule 1. Ça y est, ça s'est lancé, on l'avait dit, une première épreuve, une première étape en Australie, c'était la Chine, donc au rendez-vous d'hier, victoire d'Andrea Kimi Antonelli, sa première victoire en carrière pour l'Italien chez Mercedes, devant l'autre Mercedes de George Russell. Ensuite, c'est les deux Ferrari qui poursuivent avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Pierre Gasly est 6e. Notre Français est engagé cette saison, c'est donc le Français Hadjar qui est sur Red Bull, Isaac Hadjar, et un autre Français encore, donc du 8e, et puis Esteban Ocon, 14e seulement de ce Grand Prix. Le Japon sera au programme de la prochaine et 3e étape, ce sera dans 15 jours. Et puis à noter que les épreuves de Bahreïn et de l'Arabie Saoudite qui étaient prévues mi-avril sont bien entendu déjà annulées. Voilà, donc pas d'épreuves ensuite avant le mois de mai, sauf si d'ici là, bien sûr, la FIA arrive à trouver peut-être des solutions de repli. Mais en attendant, voilà, pas de Bahreïn, pas d'Arabie Saoudite au programme de la saison cette année. Voilà, en Formule 1, en MotoGP, là aussi ça va se poursuivre. C'était le premier rendez-vous, c'était le 1er mars. Là, ce sera dimanche, le Brésil au programme. Pour cette deuxième étape. Et à noter que le Grand Prix du Qatar, pardon, qui était prévu le 12 avril, a été décalé, bien entendu, là aussi pour les raisons que l'on connaît, a été reprogrammé au 8 novembre. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'annulation, mais il y a un report en tout cas très logique de cette étape au Qatar. Et puis enfin, pour clôturer avec nos sports mécaniques, le rallye de championnat du monde des rallyes WRC, avec une troisième épreuve qui était au Kenya. Le japonais Takamoto Katsuta qui s'est imposé devant un Français qui est Andrea Fourneau. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour Sébastien Ogier qui ont dû abandonner en cours de rallye. Malheureusement, ils étaient bien placés en plus, mais ça a été très compliqué pour eux. Donc de gros points perdus évidemment au classement pour bien notre Français qui voilà qui est pas encore complètement hors jeu hein, bien entendu ça fait que deux rallyes mais c'est vrai que c'est des gros points perdus, on sait qu'il fera pas la saison complète, donc voilà quand il est là il faut marquer des points, ça n'a pas été le cas mais il restera de nombreuses épreuves. La Croatie sera au programme dans un mois pour la quatrième étape de ce championnat du monde des rallyes. Voilà pour ce premier point. C'est parti hein, pour les directs dans quelques secondes pour nos deux matchs de 20h45, c'est-à-dire Cremonese et Fiorentina en Italie, et puis en Ligue 2 Annecy 3 que l'on va suivre bien sûr en fil rouge. Dans un quart d'heure, Hugo nous rejoint pour la page football, justement. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Avant cela, eh bien, on va parler de handball pour revenir sur la suite de la saison de Pro League, hein, pour Saran. On rappelle qu'il va bien mieux depuis ce début de reprise. Ça, on n'a pas joué, hein, la semaine passée, puisque ce sera maintenant le 7 avril, la rencontre de cette journée qui était la 20e journée, déplacement à Cherbourg, là il n'y a pas eu de match sur cette journée, donc il faudra attendre vendredi pour voir Saran jouer avec un déplacement à Pau, alors pas ce vendredi mais le vendredi de la semaine prochaine pour voir Saran jouer à nouveau, déplacement à Pau, voilà pour cette 23e journée, donc voilà, là il n'y a pas eu d'avancement au classement pour Saran, donc qui compte un match de moins du coup sur ses adversaires. Ivry qui est devant avec un point d'avance, Caen 2 points et Pau 3 points, mais voilà, Saran un match en moins, donc ça pourra compter pour la suite. Donc voilà, on a hâte aussi de voir tout ça arriver. Donc voilà, cette semaine, ce sera la trêve internationale hein, puisque l'équipe de France va se réunir. Donc la France va jouer deux matchs donc chez les garçons, deux matchs amicaux contre l'Espagne, d'abord jeudi au Mans et ensuite ce sera en Espagne le match retour. Voilà, donc là vraiment deux matchs amicaux, pas de compétition officielle. Voilà, donc ce sera ces deux matchs là donc face à l'Espagne. Et donc on a appris la disponibilité malheureusement d'Emeric Mine qui ne pourra pas participer puisqu'il est blessé. Il est sorti sur une blessure à la cheville lors de la victoire de Nantes face à Dunkerque en championnat. Donc malheureusement il ne sera pas présent pour ces deux matchs. Voilà, donc c'est ce qu'a annoncé le staff aujourd'hui, le staff médical de l'équipe de France. Voilà pour donc les garçons, donc ça sera la pause, je vous le disais, pour cette trêve internationale. Et puis pour ce qui concerne la Star League, et eh bien avant la trêve, on a toujours le PSG en tête devant Nantes et Montpellier. Nantes qui est à 2 points. Les deux se sont imposés hier, Paris face à Toulouse et Nantes, je vous le disais à l'instant, face à Dunkerque. Donc pas de changement en haut pour Chartres. Eh bien, un match nul face à Aix, 30 partout. C'est un point arraché pour Chartres, qui reste 3 points devant Dijon et Istres. Donc c'est important. Voilà, ce point va compter évidemment. On rappelle les deux derniers descendent. Donc très important de finir hors de cette zone rouge. Pour l'instant, ils ont 3 points d'avance sur ces deux adversaires. Il faut continuer. Il reste encore pas mal de matchs, donc il va falloir tenir, s'accrocher avec 3 points d'avance. C'est plutôt un petit matelas, mais c'est pas énorme. Ça peut vite fondre, donc attention pour la suite. Donc bah voilà, là aussi la trêve, et puis à partir de la semaine suivante, eh bien nouvelle journée pour Chartres, déplacement à Montpellier, déplacement compliqué. Voilà pour cette Star League. Et puis chez les filles, eh bien pas de mouvement en tout cas en championnat, puisque c'est toujours Metz qui domine le championnat devant Metz qui est à 2 points derrière, ça se joue à rien, une seule défaite face à Brest justement. Donc voilà, c'est très très serré, 2 points en Metz chaque année. Bah, pour l'instant c'est Brest qui est en tête puisque les Brestoises ont gagné ce match aller, mais il y aura bien sûr le retour pour essayer d'équilibrer les choses. Donc ça va se jouer à peu de choses cette saison. Et puis un tout petit mot rapide de Ligue des Champions, puisque là aussi On avance tranquillement, donc on est arrivé au huitième de finale, fin de la phase de poule pour nos deux clubs français engagés, avec Paris qui termine finalement quatrième de ce classement. Voilà, donc de la poule B, c'est ça. Et puis dans l'autre poule, c'est Nantes qui termine quatrième, donc ça c'est un peu mieux fini pour nos Français, voilà, qui se sont qualifiés. Bon, c'est pas été au malheureusement deux premières places. Mais ça reste une qualification pour les huitièmes. Donc Nantes jouera en huitième de finale face à l'équipe de Goudmé. Ce sera le 1er 8 avril. Et puis Paris jouera à Veszprém, en déplacement d'abord et ensuite à la réception. Donc, deux grosses affiches pour essayer de se qualifier pour les quarts de finale, voilà, de cette Ligue des Champions. Et puis pour les femmes là aussi, du huitième de finale. Donc qualification directe de nos deux clubs engagés, c'est-à-dire Brest qui a terminé leader et Metz qui a terminé deuxième. Donc tout va bien, directement qualifié pour les quarts, et elles vont attendre maintenant leur adversaire. Donc voilà pour le handball. Donc ça se passe très très bien pour les femmes et un petit peu moins bien pour les hommes, et qui sont quand même en huitième. Donc on va espérer que ça puisse aller plus loin. On referme cette page handball, on va ouvrir le basket avec la suite de la saison de basket, bien sûr, de Ligue 2 pour donc Orléans, hein, qui continue d'avancer. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, la dernière grosse rencontre pour Orléans, avec un déplacement à Rouen, hein, pour essayer de revenir à une victoire plutôt de Rouen en tête. Malheureusement, une défaite, hein, qui va entériner probablement les espoirs de monter direct pour Orléans. C'était une défaite 88-79, hein, assez logique. Orléans qui a toujours été derrière dans cette rencontre, malheureusement. Et donc pour Orléans, bah, ça fait que maintenant Rouen est à 3, maintenant désormais 4 victoires d'avance, puisque Rouen a gagné encore ce week-end à Chaland. Orléans n'a pas joué, hein, le match sera seulement le 5 mai, hein, ce match de report face à Saint-Chamond. Donc voilà, donc désormais, bah, Orléans a désormais 4 victoires de retard. Autant vous dire que ça va être compliqué, puisqu'il ne reste que 10 journées. Donc il faudrait que, bah, en tout cas Rouen a 4 jokers, hein, donc ça va être compliqué. Réception de Pau demain, donc 2 matchs cette semaine, donc réception de Pau. Rouen recevra Blois, qui est désormais deuxième à égalité avec Orléans, donc voilà, c'est un gros match aussi. Et ensuite vendredi, nouvelle journée, Orléans déplacement à Vichy, et Rouen de son côté ira à Poitiers. Voilà pour ces deux matchs de cette semaine en basket. En Battle Elite, bien le classement n'a pas ou très peu bougé. Monaco reste largement en leader, Nanterre, Paris sont en suivent, ensuite Strasbourg et Bourg-en-Bresse. L'ASVEL est seulement sixième désormais de cette petite élite. Et puis en Euroleague, on approche de la fin de la phase de phase régulière. Hein. 4-5 matchs encore à jouer pour Monaco, c'est de se qualifier. Monaco est juste huitième, hein, qui est pour l'instant juste qualifié, mais c'est vraiment très très serré. Hein. Jusqu'au dixième, il y a le même nombre de victoires. Ça va vraiment jouer à peu de choses. Tous les matchs vont compter maintenant vendredi. La semaine prochaine, Monaco ira au Panathinaikos pour bien essayer de d'accrocher une victoire. Et puis avant cela, jeudi cette semaine, déplacement à Istanbul. Et ensuite, tu auras donc deux matchs la semaine prochaine. Hein. Donc ça va être très intense, une semaine très très intense pour Orléans. Donc d'abord Istanbul. Et ensuite deux matchs la semaine prochaine, Milan et déplacement au Panathinaikos. Donc ça va s'enchaîner, et tout peut basculer dans ces deux semaines qui arrivent là. Donc en Euroleague, pour essayer d'accrocher, donc on l'espère, bien une qualification en huitième de finale de cette Euroleague. En Eurocoupe, on a un club français qualifié pour les quarts de finale, c'est Bourg-en-Bresse qui est qualifié. Qui était déjà qualifié, hein, avant les huitièmes, qui avait fini deuxième de son groupe, qualifié pour les quarts, qui va affronter Ljubljana donc demain soir, pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. Donc ce sera à domicile, donc plutôt intéressant pour essayer, eh bien on l'espère, de se qualifier pour la suite de cette compétition, donc et donc de cette Eurocoupe. Hein. Voilà, on rappelle qu'il est la deuxième compétition, voilà, dans la hiérarchie donc de ces compétitions européennes. Voilà, et puis voilà, pour en tout cas le basket et puis la NBA, on rappelle que ça se poursuit aussi, hein, bien entendu, avec un tout petit point sur ce qui se passe là-bas. Et on approche de la fin de saison régulière, encore un gros mois de championnat, de compétition. Détroit reste le leader à l'Est, alors qu'à l'Ouest, c'est Oklahoma City. Les Spurs s'accrochent, hein, ils sont pas très très loin, mais ils sont en tout cas bien deuxième. Ça devrait plus bouger, en tout cas pour le top 3 de cette NBA, puisque ça s'enchaîne plutôt bien. Voilà pour le basket. Du tennis aussi, avant de poursuivre. Alors que les directs, on le rappelle, sont partis, hein, depuis maintenant 10 minutes. Ça n'a pour l'instant pas bougé. On est toujours à 0-0 dans les deux rencontres. Cremonese, Fiorentina et Annecy 3. Dans 5 minutes, Brentford, Wolverhampton, Rayo Vallecano, Levante pour les deux matchs de 21h. Tennis, donc, je le disais. Yannick Sinner, le numéro 2 mondial, qui a remporté le tournoi d'Indian Wells hier en battant en finale Daniil Medvedev 7-6, 7-6. Deux matchs de 7 accrochés. C'est bien l'Italien qui s'impose. Tek Alcaraz a été battu par le Russe en demi-finale, en deux manches, qui reste néanmoins premier au classement, devant donc l'Italien. Novak Djokovic, troisième, battu très tôt dans le tournoi, hein, dès les huitièmes de finale. Le Serbe battu par Jack Draper, le Britannique. Donc il va perdre pas mal de points au classement. Il avait été finaliste en passé, donc il va perdre sa troisième place aux dépens de Zverev, qui est pour le moment quatrième. Côté français, c'est toujours Arthur Rinderknecht qui est en tête devant Arthur Fils, auteur d'une plutôt belle semaine à Indian Wells, malheureusement battu assez fort logiquement par Zverev en quart de finale. Donc voilà, 6-2, 6-3, il a quand même fait plutôt une belle semaine le français. Cette semaine, c'est Miami qui va se dérouler. Ça va démarrer mercredi. Alors, pour l'instant, le tirage au sort n'est pas effectué, mais on aura a priori tout le monde, sauf Novak Djokovic qui a annoncé forfait, qui a déclaré forfait pour une blessure à l'épaule a priori, donc il ne sera pas présent à Miami. On devrait le retrouver pour le début de la saison de terre battue à Monte Carlo, donc cette semaine. Pas donc il démarre demain même le tournoi, hein. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc le tirage au sort qui aura lieu demain. Voilà, pour être tout à fait complet. Et on aura donc le tirage demain pour savoir un petit peu ce que ça va donner, avec forcément Sinner et Alcaraz qui seront les favoris de cette saison. On rappelle que Sinner a emporté aussi tous les Masters 1000 sur dur, hein. C'est déjà à son âge, c'est très très tôt, avec cette victoire donc hier à Indian Wells. Voilà pour le tennis. Allez, on marque une pause et juste après on retrouve Hugo, on va évoquer avec lui le rugby association avant de basculer sur le foot. Voilà, on va changer un tout petit peu, on va parler de rugby avec Hugo pour cette dernière étape donc de signation et cette victoire de l'équipe de France, et après on enchaînera avec le foot. Voilà pour la suite de ce programme et les directs, bien sûr. Bah, on continue de les suivre, bien entendu, hein, avec tout ce qui se passe, et puis bien sûr tout le débrief foot, hein. On a la Ligue des Champions, il s'est passé plein de choses, il y a eu des beaux matchs, et puis ensuite on va revenir tranquillement en France pour nos championnats. Allez, une pause et on revient donc dans 3 minutes 30 donc pour retrouver Hugo. Et voilà, tout ce débrief, les directs aussi qui vont lancer dans 3 minutes les deux autres directs. Et voilà donc pour cette deuxième partie d'émission. Ça va partir dans un instant, normalement le son qui est en train de se lancer. Et on va retrouver Hugo ensuite. Voilà, comme d'habitude, vous retrouvez Hugo. Pas d'Alex d'ailleurs ce soir, qui devait être avec nous, il n'a pas pu être avec nous, donc on le retrouvera lundi prochain, Alex. Hein. On rappelle qu'il nous a rejoint pour cette fin de saison. Donc on retrouve là lundi prochain. Dua Lipa, tout de suite, Don't Start Now. C'est le remix de Purple Disco Machine. On se retrouve juste après pour la suite. Don't be now. Dua Lipa, Don't Start Now à l'instant sur Arc-en-Ciel. Il est 21h, passé de 1 minute, 2 minutes même maintenant. Et si vous nous rejoignez, donc on est ensemble jusqu'à 22h30 pour bien toute l'actualité sport de la semaine passée. Vous êtes sur donc Arc-en-Ciel, la radio du sport. On retrouve Hugo avec nous dans une poignée de secondes. Je rappelle aussi qu'on retrouvera Alex lundi prochain, qui pouvait pas être avec nous ce soir, donc on le retrouvera lundi prochain. Mais en tout cas, Hugo est bien avec nous pour cette heure et demie à venir et tout ce qui s'est passé en foot et en rugby, c'est seulement ce soir. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va bien ? Bah, ça va très très bien. Encore une belle semaine qui s'annonce de Ligue des Champions avec les matchs retour. C'est toujours les matchs, souvent les plus croustillants. Donc, je pense que cette semaine va être pas mal, effectivement, footballistiquement parlant. Et profitons-en, parce qu'après, c'est la trêve. Hein. Après, il y aura moins. Mais ça va être sympa aussi, les barrages de la trêve. Ça peut être intéressant aussi de suivre quelques grosses équipes. Je pense encore à l'Italie, qu'on va pouvoir regarder et suivre durant ces barrages. Peut-être qu'ils vont jouer qu'un seul match, on verra bien, mais on leur souhaite pas. Mais ça peut être intéressant aussi cette trêve quand même. Puis forcément, on va pas trop déballer là-dessus tout de suite, mais même l'équipe de France pour la dernière sortie avant la Coupe du Monde. Donc ça va être intéressant quand même de voir ces deux matchs de préparation. Ouais, c'est ça. Il y aura le Brésil notamment. Ouais. Sans Neymar, hein. Sans Neymar d'ailleurs. Ouais, ce que j'allais dire, Neymar sera pas là. Hendrick sera là, donc le Lyonnais. Ouais. Donc, ça sera une belle affiche en tout cas. Et puis il y a la Colombie aussi au programme pour les Bleus. Alors, avant de parler de foot, justement, du rugby, donc pour revenir sur ce qui s'est passé, bien sûr, pour la fin du tournoi des Six Nations, ce crunch incroyable. Hein. Enfin, c'était vraiment un match à rebondissement, du suspense. Et en plus, au bout, forcément, quand il y a une victoire de la France à l'arraché, c'est toujours plus beau. T'as vu le match, Hugo, du coup ? J'ai suivi le match. Alors, je suis pas un fervent grand suiveur de rugby, mais j'aime bien évidemment suivre l'équipe de France et notamment dans ce temps de destination aussi. Donc, bien sûr, j'ai regardé le match. C'était quand même le match du titre aussi. Surtout qu'il y avait moins d'efforts à faire avec la victoire bonifiée de l'Irlande un peu plus tôt, entre guillemets. Même un match nul, enfin, ça aurait pu potentiellement passer. Mais non, mais bien sûr, j'ai regardé le match. Mais franchement, on le sait qu'à chaque fois, c'est crunch. C'est France-Angleterre, c'est tout le temps un match à part, que ce soit en tournoi à destination ou non. Mais là, franchement, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Qui plus est, en plus, avec quand même la conclusion, vraiment gagner à la dernière seconde, c'était magistral. Ouais. Pour pas mentir, pour tout raconter aux personnes qui nous écoutent, moi j'étais tout seul devant mon canapé à regarder le match et j'ai gueulé de joie à la fin, quoi, sur cette pénalité de Ramos. C'était incroyable, quoi, c'était exceptionnel. Ouais, on avait vécu un peu la même chose il y a 2 ans sur le même match d'ailleurs, France-Angleterre. Ouais. Ramos, mais c'était pas pour le titre, c'était un peu différent. Ouais. Mais là, les Anglais, franchement, qui ont été surprenants, parce que c'est vrai que sur le tournoi, ils n'ont pas été au niveau, hein, hormis la victoire face au Pays de Galles, mais Pays de Galles qui a fait un mauvais tournoi aussi. Après, ils ont été battus par l'Italie la semaine passée. C'est vrai que c'est surprenant, mais c'est vrai que l'Angleterre contre la France, c'est toujours un match particulier. Ils se donnent à fond, et c'est vrai que ça a été un match incroyable, des essais dans tous les sens. C'était fou. Et puis une dernière expulsion, un carton jaune à la fin, on a pensé que ça allait être fini. Hein. Et puis finalement, toujours des ressources inespérées pour les U. Puis un Ramos, à 100% au tir. Hein, c'est vraiment... C'est fou quand tu dis que t'as un tireur comme ça, c'est un avantage de fou. Hein. Ouais, parce que mine de rien, il était quand même relativement centré par rapport au poteau. Enfin, je veux dire, il n'était pas non plus complètement excentré, mais il était assez loin. T'as tout le poids d'un pays à la maison, en plus, t'es à ça du titre, t'es à 2 doigts, même pas du titre. Donc c'est vrai que oui, sur une pénalité qui peut sembler pas si compliquée que ça, là t'as tout le poids de tout un pays entre guillemets sur les épaules. Donc c'est sûr que c'était pas simple, je pense, pour Thomas Ramos dans la tête. Mais voilà, quand t'es ce joueur là aussi, que t'es habitué à cette pression quand même, et que t'es un excellent frappeur, un excellent tireur comme lui, ça le fait. Il a su gérer ce moment là comme il fallait, et pouvoir lâcher toute cette pression ensuite. Non, franchement, c'était un match presque d'anthologie. Je pense qu'il va quand même rester dans les annales, celui-là, hein, je pense. Ouais, des France-Angleterre, j'ai pas souvenir d'avoir un si beau scénario. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Il y a eu des gros matchs. Il y a eu la victoire là-bas, où on a gagné plus de 50 points. C'était aussi fou, mais là le scénario et le suspense vraiment tout jusqu'au bout, c'était fou. Mais alors après, voilà, ce qu'il faudra retenir aussi, c'est que la France a pris 7 essais contre l'Écosse et 7 essais contre l'Angleterre. Là, c'est quand même ça. Puis ça, tu fais la rareté et puis la beauté encore une fois de ce scénario, c'est quand même les deux équipes qui ont plus de 40 points à la fin. Quoi. C'est assez dingue. Aussi. Ouais, bah comme contre l'Écosse, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que là sur le moment ils ont satisfait du résultat, c'est le titre, mais bah là il va avoir le temps de ce qui s'est passé aussi, de réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est vrai que défensivement les Bleus ont pas été au niveau sur ces deux derniers matchs en tout cas, donc il va falloir travailler sur ça, hein. Bien sûr, l'année prochaine c'est la Coupe du Monde, il va y avoir du boulot pour cette équipe de France, voilà. Mais en tout cas peut-être qu'il y aura un peu de fraîcheur qui va arriver, parce que je sais pas si t'as vu, mais nos minots, oui, fait le grand chelem. Hein, qu'on gagnait aussi, un peu. C'est les U20, ouais. Avec un scénario un peu le même scénario, puisqu'ils ont gagné sur la fin, alors que l'Angleterre était devant. Enfin, c'était aussi un scénario assez incroyable. Et donc, ils étaient devant, l'Angleterre. Ils ont été devant, ouais. Il semblait que la France avait un gros écart à un moment où. Enfin, j'ai pas suivi tout le match, hein, je vais pas mentir. Ah, ils ont été devant, on a été devant longtemps, et après, à la fin, c'est vrai que les Anglais sont repassés devant. Ok, et puis finalement, il y a un dernier essai et. Et voilà, la France qui a pu s'imposer, qui a réalisé le grand slam en plus, et qui avait déjà gagné l'an dernier aussi. Hein, donc ça fait deux doublés pour les A et les U20, donc c'est chouette. Et voilà, pour la France, manquer le grand chelem, mais bon, en tout cas, c'est déjà un très très beau résultat. Un trophée encore. Mais il y a Darlève qui arrive derrière. Donc en tout cas, voilà, on est content de revoir cette équipe gagner, et on les retrouvera donc. On les retrouvera avant la fameuse tournée d'automne, puisqu'il y aura une nouvelle compétition qui va être lancée cet été, avec notamment les All Blacks qui vont être imposés aux Français pour commencer. On aura l'occasion d'en reparler, mais une nouvelle compétition qui va se lancer un petit peu pour donner un peu plus d'entrain, parce que c'est vrai que les ce match, bon bah voilà, il y a pas trop d'enjeux. Donc bah voilà, en tout cas ça serait risque de des matchs aussi sympas. Voilà, on referme cette page rugby. Petite mention spéciale quand même pour l'Italie dans ce tournoi de destination, qui ça y est, ouais. On sent que ça commence qui progresse vraiment, ouais. Ouais, on sent qu'il y a un vrai plus là depuis quelques temps. Donc juste petite mention spéciale pour eux et pour leur tournoi aussi quand même. Ils ont franchement été pas mal. Oui, qui a terminé quatrième devant l'Angleterre. Bah, c'est ça, ouais. Et devant le Pays de Galles, donc ouais, grosse. Puis l'Écosse aussi qui a fait un beau tournoi. L'Irlande, mine de rien, bah on pensait sur le premier match face à la France, ça allait être compliqué, mais ils terminent deuxième finalement. Ils étaient pas loin de. Ils étaient à quelques secondes de gagner aussi le tournoi, hein, puisque voilà, sans cette pénalité, c'est l'Irlande qui gagnait. Donc voilà, c'est aussi ils se sont bien remobilisés aussi les Irlandais. Et finalement, ils ont perdu que le match face aux Français, donc ça reste quand même une belle nation aussi. Retour du top 14 du coup ce week-end, ça y est, ça repart samedi et dimanche, avec notamment le leader Toulouse en déplacement à Bordeaux-Bègle, donc dimanche soir. Les directs donc sont tous lancés, hein, donc tu suis, j'imagine, Annecy 3, hein, pour nous. Je suis Annecy 3, on vient d'entrer dans la 26e minute de jeu, toujours 0-0, ouais, entre Annecy et 3. Très bien. Ensuite, on a aussi l'Italie, Cremonese et Fiorentina, donc 0-0 également. En Espagne, Levante en déplacement au Rayo Vallecano, eh bien 0-0 également. Et puis en Angleterre, Brentford, Wolverhampton, 0-0 également, 10e minute. Voilà les quatre matchs que l'on va suivre. Le débrief d'abord de Ligue des Champions. On en parlait il y a quelques minutes avec ses huitièmes de finale aller. Alors des résultats surprenants, d'autres plus logiques. On peut commencer peut-être par le Bayern qui était en déplacement en Bergame avec le carton plein et pratiquement la qualification en poche pour le Bayern quand même. Oui, bah, là je pense qu'on peut même dire, on va pas trop se mouiller. Hein. Quoi après, parier ma maison pour le ouais. Bayern est déjà en quart de finale, parce que oui, mais on le sait, c'est pas la première fois ici qu'on dit, et alors pas qu'ici évidemment, mais le Bayern c'est quand même le favori numéro 1 pour cette édition de la Ligue des Champions, pour l'instant en tout cas, ça c'est sûr. Non, ils survolent vraiment le foot européen en ce moment, en championnat bien sûr, on le voit depuis début de saison, en Ligue des Champions aussi c'est quand même très fort, là on l'a encore vu. Alors l'Atalanta, ça reste assez faible mine de rien, alors c'est le dernier représentant italien certes, mais c'est presque bien le plus faible des représentants italiens dans cette édition de la C1. Et le Bayern, oui, ben, n'a fait qu'une bouchée, mais de toute manière, avec des joueurs pareils, avec même avec un Harry Kane qui n'est pas rentré sur ce match-là, mais ça a fait le taf. Michael Olise encore autant d'un doublé, une passe D en plus pour lui, donc encore un gros match de sa part. Luis Diaz aussi qui a pas marqué, mais qui a fait une passe D, qui a été bien sûr toujours aussi efficace et important dans l'animation offensive. Même Nicolas Jackson, justement, la doublure d'Harry Kane a marqué son but. Non, franchement, a fait une passe D aussi, j'avais oublié, j'avais noté. Gnabry, enfin non, mais offensivement, c'est une vraie machine de guerre, ce Bayern Munich. Ils ont pas eu forcément beaucoup, beaucoup de taf à faire défensivement, mais bon, ils ont craqué en toute fin de match pour l'honneur qui a été sauf pour l'Atalanta. Mais non, mais le Bayern, voilà, c'était un petit peu ce qu'on pouvait s'imaginer de ce match-là. Et oui, bon, bah là, voilà, ils vont pouvoir peut-être faire un peu pour poser les cadres justement pour ce match retour en huitième, à moins d'essayer de refaire encore un gros score à domicile, ce qu'on les connaît aussi de Bayern, c'est un peu cette mentalité là. On verra bien ça cette semaine, mais en victoire logique, mais le Bayern fait toujours office pour moi de grand favori de cette compétition. Je suis d'accord, ouais, pour le coup là faudra voir après les quarts, mais pour l'instant ouais, je vois pas qui peut les concurrencer. Galatasaray tiens, qui est en train de refaire le même coup qu'en barrage face à Liverpool qui s'impose 1-0. Alors c'est un court succès, mais pour le coup ça donne un avantage avant le retour. Ouais, bah on le sait, faut toujours faire attention à ces équipes turques, notamment à domicile, parce que c'est toujours une ferveur incroyable, que ce soit les grosses équipes comme les plus moyennes dans d'autres coupes d'Europe. Mais non, Galatasaray oui a été bon, forcément pas mal secoué aussi par cette équipe de Liverpool durant la majorité du match, mais ils ont su être à l'action aussi. Ils avaient marqué tôt dans le match, hein, à la septième minute de Mario Lemina. Ils ont su garder ce score tout du long. Mais voilà, les Reds, c'est vrai qu'ils ont trop gâché devant, notamment notre cher français Hugo Ekitike qui a pas mal gâché pour le coup, alors qu'il est dans une bonne forme ces derniers mois. Donc même Salah qui a été en deçà une nouvelle fois de ses standards habituels sur ce match. En deçà, effectivement. Et oui. Mais voilà, c'est l'ensemble d'un collectif comme Liverpool qui a un petit peu manqué son match, même si encore une fois, hein, ils ont eu vraiment ils ont quand même relativement dominé ce match, ils ont été au-dessus, mais Galatasaray avec ce stade, avec une rien aussi ce collectif qu'ils ont et cette défense assez solide hein, qu'ils ont aussi. Il y a des anciens d'ailleurs, un Singo qui jouait à Monaco, il y a Davinson Sanchez qui joue à Tottenham à l'époque, enfin, en première ligue, on s'en rappelle. Enfin, il y a une vraie équipe solide, hein, même au milieu de terrain, c'est intéressant. Lemina, je le trouve encore intéressant. Lucas Torreira, l'ancien d'Arsenal, l'Uruguayen, qui est au milieu de terrain et qui a Galatasaray depuis 3-4 ans, il me semble, et qui est très apprécié, qui continue à être très très bon. Non, mais voilà, il y a une très belle équipe de Galatasaray. Est-ce que ça va suffire pour le match retour et de tenir ce score en field? C'est autre chose, mais je pense qu'ils peuvent le faire quand même. Mais on sait qu'Anfield, c'est un stade un peu magique aussi pour Liverpool. Un stade, bien sûr, incroyable et historique. Mais sur ce match-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à enlever à Galatasaray. Ils ont fait leur match. Ils ont pas du tout volé leur victoire. Donc, voilà. Contrairement à Liverpool, qui, justement, va vraiment falloir montrer un autre visage à domicile cette semaine. Très bien, le retour, ce sera mercredi. Ouais. Comme le Bayern d'ailleurs. Le Barça tiens, qui est presque chanceux en tout cas de ce match nul hein, qui a pas été vraiment bon dans cette rencontre face à Newcastle. Hein. Ouais clairement non mais Newcastle aurait plutôt mérité justement ouais les 3 points mais la victoire plutôt sur ce match là même si en fait c'est le match que moi j'avais priorisé ce match là le soir là parce que je m'étais dit justement le Bayern bon ça devrait aller. Et puis Atlético Tottenham, on va en parler vite fait après, mais je me suis dit bon, on a un peu rigolé, on se rappelle il y a 2 semaines, on disait que c'était un peu le match des losers, bon, ça serait pas forcément intéressant, peut-être un match fermé, enfin bref. Donc je me suis dit Newcastle-Barça, normalement c'est deux équipes qui tournent bien, qui sont intéressantes, voilà. Au final il n'y a pas eu de but pendant quelques temps, du coup j'ai zappé un peu sur les autres matchs, et c'est là où il y avait des buts. Mais non, Newcastle-Barça, oui, Barça est passé à côté de son match, ils ont eu que quoi, deux tirs cadrés. Ouais, c'est ça. Dans cette rencontre-là, on les a vraiment pas reconnus. Il a fallu attendre donc oui ce penalty en toute fin de match dans les dernières minutes de Lamine Yamal pour venir égaliser hein, parce que Newcastle a ouvert le score grâce à ce bon vieux Harvey Barnes qui a enfin marqué dans ce match-là à la 86e, c'était 10 minutes avant. Mais Newcastle oui méritait mieux, méritait plus. Après ils n'ont pas marqué ils n'ont pas marqué avant aussi pour autant. Donc voilà, pour gagner, il faut marquer. Ça, c'est la base des bases, évidemment, dans le foot et dans la plupart des sports. Donc voilà. Mais non, oui, le Barça, franchement, a loupé son match. Mais je pense que voilà, le il fallait pas perdre déjà là-bas. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense que le travail sera tout de même fait. Au retour. Ce mercredi, voilà, à domicile à Barcelone. Donc, c'est dommage pour Newcastle qui, je pense, aurait laissé passer le train. Alors, évidemment, c'est quand même pas fait non plus à 100% que le Barça va se qualifier mercredi. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer autrement. Surtout avec le match encore qu'ils ont fait ce week-end, le Barça, ils se sont bien relevés, ils ont bien relevé la tête avec un Rafinha de gala. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ouais, Newcastle a peut-être laissé passer quand même la chance au moins de gagner ce match-là. C'est dommage parce qu'il y avait la place pour le coup. Le Barça avait laissé des brèches. Donc ouais, dommage pour les Magpies, mais on ne peut que souligner quand même leur très bonne performance justement à domicile. Et donc le match sera mercredi à 18h45. Notez bien, hein. Ratez pas pour les supporters du Barça, ne ratez pas le match 18h45. Donc Atletico, notamment, on en a parlé juste avant. Donc du coup, bah il y a eu des buts contrairement à ce qu'on pensait, beaucoup de buts, 7 buts et surtout 5 pour l'Atletico qui voilà, a pris une sérieuse option pour le retour avec encore des gros cadeaux de Tottenham hein, sur cette rencontre. Ce fameux gardien, surtout, effectivement, qui sort au final au bout d'un quart d'heure, après avoir encaissé 3 buts, avoir fait 2 cagades, 2 boulettes. Donc, voilà, après, c'est à discuter aussi, quoi. C'est étrange comme décision qu'a dit Igor Tudor de. Un quart d'heure, j'ai jamais vu ça, ouais. De le sortir, de titulariser à la base. Titulariser déjà, oui, sur un match aussi important. Parce que c'est que son 6e match, enfin, 7e titularisation de la saison. Ouais. Et tu le lances. Dans le grand bain comme ça sur un match aussi important. La 2-0, je te coupe 2-0 pour Fiorentina. Il y a eu déjà 2 buts. Enfin, c'est criminalisé donc 2-0 après 30 minutes. Ouais. Mais oui, non, mais c'est un ultra cadeau quand t'es doublure que. Enfin, j'ai du mal à comprendre parce que personne n'a su vraiment donner d'explication plausible sur le pourquoi du comment véritablement Igor Tudor a titularisé Anthony Kinski parce que. Il a 23 ans, il est encore jeune, surtout pour un gardien. Mais je veux dire, il y en a qui ne s'en sont pas relevés. Hein. Je pense que tu sais à qui je pense. Je pense à Loris Karius. Alors Karius était peut-être un peu plus vieux, quoi. Il avait fait ses boulettes quand même en finale de LDC avec Liverpool. Peut-être qu'il avait 27-28 ans, mais voilà, Kinski a encore du chemin devant lui, ça c'est certain. Mais le lancer comme ça sur un match-là, encore une fois, moi je ne comprends pas du tout le choix de Tudor. Et après, est-ce qu'il fallait aussi, tu commences à le dire du coup, sortir comme ça, 15 minutes. T'attends la mi-temps, moi. Ah oui, mais bon, si t'as un gardien qui a le moral à zéro, il prend 3 buts en un quart d'heure, dont 2 boulettes, enfin dont 2 qui sont vraiment pour lui, quoi, les buts, tu dis ouais, mais là il a le moral, enfin ça ne pourrait même plus remonter, enfin le caractère. J'ai plus les mots. Pas de journée, les amis, le soir. Non, mais je veux dire, c'est impossible de se relever, là, même si tu le laisses jusqu'à la 45e. À tout moment, Victor fait une cagade, il n'a plus confiance, c'est compliqué. Donc, je sais pas, franchement, mais moi, pour moi, le vrai souci, c'est de le faire démarrer. Ça, voilà, ça, c'est une erreur monumentale, de le faire. Mais forcément, qu'on parle beaucoup de ça, de cette histoire-là, parce que c'est assez insolite et c'est rare aussi, de voir 3 buts comme ça, encaissés dans le premier quart d'heure. Mais Tottenham, voilà, c'est une catastrophe, c'est catastrophique. Défensivement, c'est une passoire. Prendre 3 buts comme ça en un quart d'heure. Alors certes, Atletico a de grosses prouesses offensives, on le voit depuis le début de saison et notamment même depuis cet hiver et le fait qu'ils soient renforcés avec Lookman. Alors Lookman n'a pas été extrêmement vu non plus sur ce match-là pour le coup. Hein. Il a une petite baisse un peu de régime en ce moment, mais voilà, Atletico qui a fait le taf avec 4-0 même à la 22e, parce que nous, on parle du 3-0, mais il y avait même 4-0 à la 22e. Alors Tottenham est un peu revenu vite fait après, mais l'Atletico a quand même, oui, forcément un grand pas déjà en quart de finale. Et il va falloir confirmer quand même à Tottenham. Alors attention, on sait jamais au piège. Parce que voilà, on sait que Tottenham est au fond du gouffre, bon, on l'a vu sur ce match aller, mais même en championnat. Maintenant la Coupe d'Europe, c'est toujours autre chose. C'est un match retour aussi, donc je pense que Tottenham va le jouer à fond. Parce qu'ils n'ont plus que ça véritablement à jouer au-delà du maintien en PL. Donc attention quand même au match piégeux également pour l'Atletico. Il va pouvoir marquer assez rapidement pour les Colchoneros. Et Griezmann, buteur, tiens aussi. Et passeur. Ouais, il a fait un grand match aussi encore. Hein. Ouais. Griezmann, il est quand même dans une très bonne forme. Et c'est pour ça que je suis content aussi qu'il ne soit pas parti aux États-Unis un peu en pleine saison là, donc je trouve que c'est une bonne chose qu'ils finissent déjà cette saison avec l'Atlético. Demain, donc retour à 21h. Arsenal, pas vainqueur à Everton, est presque perdant et ils s'en sortent vraiment en fin de match. Donc là aussi, encore du job pour Arsenal au retour. Ouais, ça a été un beau match, hein, bien animé aussi entre les Allemands et les Anglais. Mais c'est vrai qu'Arsenal a été plutôt surpris. Deux tirs cadrés aussi seulement, un peu à l'instar du Barça. Ouais, exactement. Arsenal, après les Leverkusen, c'est que trois tirs cadrés aussi. Oui. Donc c'est vrai que pour le coup, en termes d'efficacité, c'était pas gueudin des deux côtés. Mais ça a été animé quand même, il y a eu des occasions, il y a eu une grosse bataille au milieu de terrain aussi, avec beaucoup de forces techniques de part et d'autre. Entre ces deux équipes, voilà, Andrich qui a ouvert le score à la 46e et Havertz toute fin de match, hein, sur penalty, qui va égaliser pour Arsenal à la 89e. Mais ouais, c'est le petit coup de mou d'Arsenal qu'on connaît aussi, qui a de temps en temps cette saison, sans parler des saisons précédentes, mais là c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai que là il y a eu un peu un jour sans pour Arsenal, mais après ils ont fait le taf aussi, ils ont su contenir la plupart des assauts de Leverkusen, avec aussi un bon match de David Raya, je trouve, même s'il a pas fait énormément d'arrêts, et il a fait des arrêts décisifs. Donc voilà, maintenant je pense qu'Arsenal peut le faire à domicile, mais il faut se méfier de cette équipe de Leverkusen qui a tenu en échec le Bayern, on en parlera tout à l'heure, oui. ce week-end. Alors il y a eu pas mal de faits de jeu sur ce match-là qui était un peu dingue, mais on en parlera justement dans quelques instants. Mais attention, Arsenal quand même aussi, oui, de pas se faire sortir, parce que les Leverkusen peut vraiment être très très surprenant et très très entreprenant aussi dans ce genre de match. Même si on sait que oui, à l'Emirates Stadium, ce sera toujours un match différent aussi. Donc, ça promet aussi un très très beau match retour entre ces deux équipes. Demain aussi, ce match. Bodo Glimt qui continue de surprendre avec une nouvelle victoire, en plus 3-0. Hein. Ils vont arriver avec de l'avance du côté du Portugal, donc voilà, qui est vraiment en très grande confiance. Et c'est la cinquième victoire consécutive en Ligue des Champions. C'est vraiment une équipe qui continue de surprendre. Bah ouais, finalement, c'est un peu ce qu'on se disait quand on faisait les petits pronos rapides il y a deux semaines ici même. On se disait que c'était l'adversaire le plus simple, entre guillemets, pour le plus prenable en tout cas pour Bodo Glimt, même si je sais pas si on a vraiment un qui est plus simple ou moins simple que d'autres, parce que oui, comme tu le disais, là ils enchaînent ces 5 victoires consécutives en C1, ils ont giflé l'Inter entre autres, donc voilà, mais là voilà, le Sporting qui est encore en dessous, ils ont giflé aussi comme il fallait à domicile avec leur collectif qu'on connaît. Ils ont été bien sûr efficaces offensivement, même s'ils n'ont pas tant tiré, enfin ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça non plus. Enfin en tout cas par rapport au Sporting, c'est assez kiff. Ouais, c'est quoi, c'est 9 tirs Sporting et 10 tirs Bodø Glimt. Donc ouais, c'est pas non plus une grosse un gros match énorme de Bodø Glimt par rapport au Sporting, mais oui, face au but c'est complètement différent. Il y a un vrai collectif, il y a du talent, et du talent bien sûr, hein, parce qu'on sait pas, c'est pas non plus en claquant des doigts qu'on peut enchaîner des excellentes performances comme ça en Ligue des Champions quand on est Bodø Glimt. Mais non, franchement, c'est une très très belle équipe que nous offre cette Ligue des Champions cette année de Bodø Glimt. C'est une très très bonne découverte, et qui sont habitués, alors forcément, à jouer aussi avec sur ce terrain synthétique, avec ces conditions météo qui sont un petit peu différentes forcément que le Portugal. C'est pas vraiment le même climat. Mais je pense qu'on peut pas t'en mettre là-dessus non plus, hein. Ils jouent pas non plus avec des bottes, avec des, enfin voilà, ça reste du football. Donc, mais j'attends de voir le match retour. Il peut être intéressant parce que le Sporting à domicile, ça peut quand même être autre chose. Ils vont forcément être revanchards. Ils vont essayer de jouer le coup à fond. Donc, même s'il y a 3-0 là, forcément sur ce match aller, en score cumulé forcément aussi, mais je pense que c'est un beau match retour que vont nous proposer ces deux équipes. Et ouverture du score en Ligue 2 à Annecy, hein, ouverture du score d'Annecy, 41e minute de jeu, 1-0. Eh ouais, il y a du spectacle comme ça, puisqu'il y a de l'enjeu aussi, hein, pour Annecy, c'est voilà, ouais, de revenir sur les équipes de barrage, et puis pour 3, bah c'est l'occasion de reprendre 4 points d'avance sur Saint-Étienne, hein, quoi. C'est vraiment un match en jeu. Et puis Angleterre aussi, ça va marquer, Brentford qui a ouvert le score face à Wolverhampton, donc ça fait 1-0 là aussi après une petite demi-heure de jeu. Ouais, c'est ça, 1-0. Donc voilà pour cette match-là, et puis il y a qu'en Espagne pour l'instant, ça n'a pas marqué. Donc voilà, ce sera donc demain 18h45 pour donc voilà, si vous voulez. En attendant Paris, ben vous pouvez regarder voilà ce match-là pour pour ainsi voir Bordeaux si, se qualifier, en tout cas réussir à résister au retour peut-être de, du Sporting. Le Real maintenant qui reçoit City, un City un peu enfin méconnaissable hein, par rapport à ce qu'on lui a connu cette dernière semaine, et Real efficace et qui va prendre une très très sérieuse option avant avant le retour qui sera à l'extérieur néanmoins. Ouais ouais, c'est vrai que je me suis potentiellement un peu trompé sur cette double confrontation. Alors ça peut s'inverser. Ouais. Ça peut s'inverser, c'est pour ça j'allais tout de suite me reprendre quand même, mais je voyais pas même à domicile hein, parce qu'on sait évidemment que le Real à Bernabéu en LDC c'est le stade où tout peut se passer, donc effectivement c'était aussi un scénario qui était largement envisageable même sans Kylian Mbappé du coup qui vient surtout toujours au repos, enfin toujours blessé. Mais ouais, franchement, tu l'as dit, un City un peu méconnaissable. Alors, ils ont quand même eu le ballon hein, globalement dans ce match. Même dans les 20 premières minutes, on va dire un peu, bah, juste avant l'ouverture du score de Valverde, hein, parce que Valverde ouvre le score pile à la 20e. Mais ouais, durant les 20 premières minutes, c'est plutôt City qui est installé dans le camp madrilène. Mais ils sont muselés, quoi. Ils sont muselés. Il y a très peu de solutions offensivement. Haaland est très peu trouvable, ou alors le peu qu'il a, il est maladroit. Donc oui, tu t'as dit le mot amorphe, je crois, ouais, c'est un peu le terme pour. Non, tu l'as pas dit. Non, mais j'aurais pu. Ah, ou je l'ai lu tout à l'heure, alors c'est pour ça. Mais je confonds les deux. Mais un petit un peu amorphe comme ça, puis musulé, je l'ai dit. Franchement, c'est vrai qu'on n'était pas forcément reconnu sur ce match-là, même si je l'ai dit, le Real à domicile en LDC, c'est toujours une force incroyable en plus. Et puis Valverde qui a survolé ce match, enfin hein, cette première mi-temps même, parce que son triplé. Et les trois seuls buts de ce match, bah oui, c'est en première période, 20e, 27e et 42e, en plus des beaux buts. Bon, on le sait, c'est un joueur à golasso. Voilà, c'est vrai que dans ce milieu de terrain, il était plutôt placé à droite, mais il repiquait beaucoup au centre quand Vinicius ou Diaz étaient vraiment sur les côtés, ou en tout cas étaient excentrés. Et Valverde, ouais, devant, bah on le sait, c'est pas un renard de surface, parce que c'est pas son rôle, bien sûr, dans sa fonction, c'est pas son rôle premier. Mais il a été extrêmement efficace, encore une fois ce week-end aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, vraiment un Real franchement d'anthologie, un Valverde de gala, enfin d'anthologie, toute proportion gardée quand même, mais un grand Real, un City méconnaissable, qui va devoir vraiment réagir au match retour et surtout devant, où il va falloir faire quelque chose, trouver des solutions pour Guardiola. Ouais. Haaland et Semenyo, là ensemble, ça marchait pas. Donc voilà, peut-être faire démarrer un Cherki, replacer Haaland tout seul en pointe, voilà, essayer de trouver quelque chose, apporter plus de profondeur sur les côtés. Je pense que c'est peut-être des solutions à trouver, mais là c'est sûr que ça a pas du tout fonctionné à Bernabeu face au Real. Ça peut être plus lourd parce que Vinicius manque un penalty aussi. Hein. Très bien, donc demain soir pour le retour. Et puis on finit avec Paris qui reçoit Chelsea. Voilà, Paris aussi qui a pris une très très belle option, hein, a aussi 3 buts d'avance avant le retour. Voilà, les Parisiens à un moment donné, ils vont être accrochés, ça peut finir en nul, et puis finalement, le dernier quart d'heure qui a été décisif, et on a retrouvé un Paris beaucoup plus joli à regarder, beaucoup plus efficace, et au final, ça donne quand même ces 3 buts d'avance qui vont très certainement compter avant le retour. J'allais dire, on a retrouvé de l'envie, ouais. Non, côté PSG, ouais. Dans le jeu, en fait. Enfin, côté PSG, pas que collectivement, même au niveau des individualités. Et je pense, bien sûr, à Alvaro Trelia, du coup, qui a marqué son doublé en toute fin de match. Enfin, il était rentré peu de temps avant, donc voilà. Mais quand ils jouent en Ligue 1, c'est vrai qu'on dit souvent oui, que voilà, on a l'impression qu'il les joue à moitié les matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions, il explose. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il choisit ses matchs. C'est sûr que c'est pas forcément une excellente tactique ou quoi, mais en tout cas là, force de constater qu'il a fait son match, il a fait une très grosse entrée avec ses 2 buts, il a été chirurgical pour le coup et au-delà même de la finition, il est très important bien sûr dans l'animation offensive avec sa force physique, son agressivité également, sa technique hein, bien sûr, je vais pas remettre en cause. Donc voilà pour Guevara, mais oui on a revu un PSG avec de l'envie. Avec de l'allant, avec bien sûr beaucoup de talent, et même oui, ce que tu évoquais, on pensait que ça allait finir à 2 partout, parce que arrivant en fin de match, au dernier quart d'heure du temps réglementaire, on voyait des 2 côtés, d'ailleurs pas que côté parisien, mais que ça soufflait, commençait à avoir des mains sur les hanches, sur les genoux. Et puis il y a eu cette erreur de la défense et du gardien de Chelsea, Jürgensen, qui fait un peu une boulette et ça va permettre au PSG de d'en profiter et Vitinha d'aller lober tranquillement Jorgensen. Et ça va relancer un petit peu cette fin de match et forcément, même malgré les physiques qui étaient très très fatigués de part et d'autre. Mais non, ouais, on retrouve un grand PSG à réaction aussi, forcément. Barcola avait vite ouvert le score, mais il y avait eu une grossière erreur où ils avaient laissé sur l'égalisation un partout de Chelsea, et ils avaient laissé Malo Gusto complètement seul. Poteau, côté gauche, hein, il était complètement seul. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il avait juste à ajuster. Alors pourtant, sa frappe n'est pas non plus folle, mais Safonov n'arrive pas à la bloquer, donc elle passe un peu sous lui. Il ne peut que la dévier et l'avoir rentré cette frappe. Mais on avait un Dembélé sur le 2-1. Pareil, qui a retrouvé un peu de son talent, de son allant dans sa finition. Donc c'était une très bonne chose aussi. Mais non, on prend un PSG avec de l'envie, à réaction. Ils ont fait le match qu'il fallait, parce que c'est vrai que le 5-2, vraiment, on le disait, on pouvait pas vraiment s'y attendre encore à un quart d'heure avant la fin du match. Mais ils ont fait le taf, ils ont vraiment fait un festival offensif, avec même un Désiré Doué qui est toujours un peu même chose, en dessous de ses performances et de ce à quoi je m'attends de lui. Il a réalisé une passe D, mais j'en attends beaucoup plus de lui, de marquer, mais même de faire beaucoup plus de différence balle au pied ou sur les côtés, sur les ailes. Mais voilà, globalement, ils ont tous les joueurs offensifs ont vraiment contribué à ce match-là, à cette réussite des Parisiens. Donc même Doué, je le disais, avec cette passe D, entre autres. Dembélé buteur, Barcola buteur aussi, Pavard bien sûr double buteur. C'était mieux le terrain, qui a retrouvé aussi de la sérénité. J'avais beaucoup aimé Joao Neves, hein, qui a été très très important aussi dans la récupération et dans l'agressivité. On le revoit vraiment retrouver un vrai bon niveau après quelques mois un petit peu pareil de performance en dents de scie. Donc non, franchement, un beau match, un très beau match que nous a offert le PSG, avec pareil un peu de suspense quand même. Petit bémol, ouais, c'est la défense quand même encore. J'allais dire, ouais, Marquinhos des fois qui a encore Marquinhos qui est limite. Hein. Mais je pense qu'on peut plus en attendre plus. Non, oui, bien sûr. Vraiment, ça va qu'à côté, il y a... Alors même si Marquinhos reste le patron de cette défense, le capitaine, mais pour moi, le vrai patron, quand même, mine de rien, en défense, c'est Pacho. Oui, c'est Pacho. C'est Pacho, heureusement qu'il est là, mais c'est vrai que Marquinhos, là, il commence un petit peu à tirer la langue aussi, puis oui, il a pu faire vraiment... être vraiment tout le temps au niveau dans les duels, et ça pêche un petit peu forcément pour le PSG, même Hakimi encore. Hein. Alors défensivement, on sait que c'est pas le meilleur défenseur, il est plus à l'aise offensivement sur son aile, mais voilà. Puis Mendes, ouais, pareil, qui pourtant lui est meilleur défenseur que Hakimi, ouais, sur le deuxième but, franchement, sur le premier but de Chelsea, il doit faire vraiment mieux aussi. Bon, après voilà, c'est comme ça, c'est l'effet de jeu, ça arrive. Le principal est là, 5-2, 3 buts d'écart. Même si Chelsea, je pense, est capable d'en mettre 3 demain à Stamford Bridge, je pense pas. Ah, c'est ça, voilà. Ouais. Je pense que Chelsea va en prendre, que Paris va en marquer au moins un. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il faudra faire, ça c'est sûr, pour essayer d'accroître cet écart. Mais pour l'instant, évidemment, il y a un pied en quart. Mais attention, même si le PSG a un peu vaincu, je pense, c'est vieux fantôme définitivement. Mais bon, attention quand même au faux pas aussi. Encore une fois, c'est pas fait, mais il y a un grand bout de chemin qui a été fait. Et en espérant que, ça y est, pour la dernière ligne droite de cette saison, le PSG retrouve de sa magie. Quand même 9 tirs, 8 cadrés, 5 buts pour Paris, c'est efficacité redoutable sur cette rencontre. C'est pas mal. Donc là aussi demain, pour le retour, voilà les 8e donc de Ligue des Champions. Un mot alors très rapide, on a un peu de temps, mais de nos clubs aussi en Ligue Europa, pour ça a été compliqué pour tout le monde, hein, pour Lille, alors on s'en doutait face à Aston Villa. Défaite 1-0, néanmoins il reste quand même de l'espoir, il y a qu'un but de retard, hein. Bon, alors c'est à la maison en plus, donc il va falloir aller jouer là-bas pour le retour. Avec un exploit, voilà, pour se qualifier jeudi. Pour Lille, bon, tout n'est pas acheté, mais c'est vrai que faut quand même un exploit. Hein. Il faut un exploit, ça c'est clair. Il c'est quand même compliqué. Un nul aurait été quand même jouable. Là, ça semble compliqué, mais bon, on sait-on jamais. Et pour Lyon, pas un bon match de Lyon à Vigo. Hein. C'est à l'image de leur dernière semaine quand même. Oui, c'est une série qui est compliquée, qui arrive à arracher le nul à la fin, alors qu'ils jouaient quasiment toute la seconde période contre 10. C'est le minimum qu'ils pouvaient faire, mais c'est vrai qu'il aurait fallu gagner, hein, contre un adversaire qui était plus faible normalement sur le papier, mais voilà, pas inspiré les Lyonnais. Ils ont en tout cas limité la casse avec ce nul. Il va falloir être bien meilleur que ce match-là et que ce match face à, on l'a dit, on va le dire, ce week-end face au Havre, où ils ont été tenus en échec aussi, donc il va falloir être bien meilleur. Alors c'est vrai que le côté Lyonnais, c'est compliqué, hein. Il y a nombreux blessés en suspendu. Ça aide pas, mais voilà, il faudra faire un gros match pour se qualifier. Là, si Lyon passe pas, ce serait quand même vraiment dommage, hein, au vu de leur première partie de saison. Ah bah oui, non mais bah c'est clair. Après, ils ont la chance, encore une fois, avec cette très très bonne phase de ligue et cette première place de jouer donc le match retour à domicile. Ouais, donc leur destin est largement entre leurs mains. Alors il y a encore des absents, mine de rien, côté lyonnais, beaucoup d'absents. On le verra aussi par rapport à leur performance de ce week-end en Ligue 1. Mais voilà, mais il y a des joueurs qui vont devoir aussi en faire plus. Et même Hendrick, hein, Hendrick, pour moi, là, il me déçoit un peu ces derniers jours, ces derniers matchs, ces dernières semaines, où je le trouve beaucoup trop personnel, quoi. On dirait qu'il va tout faire tout seul en attaque. Et je pense que parfois il ferait mieux de lever la tête ou essayer juste de penser à ses coéquipiers qui parfois sont mieux placés que lui pour tirer. On a vraiment l'impression qu'il veut tirer un peu toute la couverture à lui. Alors il a marqué cette égalisation en fin de match face à Digo là, mais je pense qu'il y avait sur d'autres occasions mieux à faire en seconde période pour Lyon de toute façon. Mais je pense que Lyon part quand même favori dans ce match retour forcément à domicile. Je pense que le stade sera forcément plein, il y aura du bruit et ça va pousser. Et Lyon aura les cartes en main pour ce jeudi pour aller chercher la victoire et la qualification. Mais il va falloir forcément, oui, montrer beaucoup plus que ça et beaucoup plus que ce qu'ils nous montrent en Coupe d'Europe comme en championnat depuis ces dernières semaines. 18h45 pour Lyon et donc 21h pour Lille pour suivre les deux rencontres. Strasbourg, pour finir, qui a gagné, ça c'est plutôt une bonne nouvelle à Rijeka en Croatie. Sans forcer du tout. Sans forcer, voilà, ils ont marqué ces deux buts-là en tout début de match dans le dernier quart d'heure et ils se sont fait un petit peu peur parce qu'il y a une réduction de l'écart dans la 76e et puis derrière, voilà, un match un peu compliqué, il y a eu pas mal d'occasions, Panders, le gardien strasbourgeois qui aura sauvé un petit peu les siens en fin de match pour voilà, rester devant, donc avantage d'un but avant le retour. Voilà, ce sera à domicile, donc normalement pour Strasbourg, ça devrait le faire, on l'espère, pour se qualifier pour la suite. C'est quand même dommage de pas essayer d'avoir torché, si j'ose dire, la qualif là, entre guillemets, des matchs aller. Ouais. Voilà, tu aurais pu faire tourner après le match retour. Quoi. C'est ça. Alors peut-être ça va être le cas, hein, s'ils font le taf assez tôt dans le match retour, ça pourrait le faire. Tourner derrière, ouais. Mais ils auraient pu, voilà, essayer d'en faire un peu plus sur le match aller. 2-0 pour Brentford face à Wolverhampton, 39e. Mi-temps en Ligue 2 et en Serie A. Ouais. Et en Italie, en Espagne, toujours pas de but. Allez, notre tour d'Europe, 21h39. Allez, on va essayer de faire vite jusqu'à 22h, notre tour d'Europe. Et après, on attaque la France. L'Allemagne d'abord. Bah, on le disait, ce match du Bayern à Leverkusen, qui a pas été simple. Il y a eu des rebondissements, mais en tout cas, le Bayern s'en sort avec un point, mais garde quand même une belle avance quand même au classement. Oui, forcément. Bah, après la victoire d'il y a deux semaines au classiqueur, de toute façon, on l'avait dit, ils ont déjà 9 doigts sur le trophée de la Bundesliga. Donc ouais, petit coup de crin pour le Bayern. Mais match, on l'évoquait, assez dingue. Donc à la Bayer Arena ce samedi. Voilà, pour résumer, en gros, deux buts. Donc avec son partout, 3 buts refusés en tout dans ce match, dont 2 concernant le Bayern. Ce même Bayern qui finit le match à 9-11. Donc je vais essayer de faire le débrief. Je vais essayer de pas être trop long, mais je vais même pas trop débriefer. Je vais juste faire par fait de jeu chronologiquement, parce qu'il y a tellement eu de faits de jeu. Donc le match a commencé fort avec l'ouverture du score rapide de Leverkusen d'Alex Garcia à la 6e sur une frappe contrée légèrement par Jonathan Tarr, l'ancien de la maison, le défenseur allemand. Et ce même Jonathan Tarr qui va 20 minutes plus tard égaliser après un petit cafouillage sur un coup franc côté droit contre son ancienne équipe, donc je le disais. Sauf que premier but refusé pour le Bayern, car Jonathan Tah a vu le ballon rebondir sur son coude avant que le ballon franchisse la ligne ensuite. Donc pour continuer sur ces faits de jeu, juste avant la pause à la 43e, c'est Nicolas Jackson, l'attaquant bavarois, qui jouait à la place de Kane, se voit expulsé après une nouvelle intervention de la vidéo pour un tacle très très appuyé sur la cheville de Martin Terrier. Donc décision bien sûr logique, hein, ce carton rouge côté Bayern. Blessé d'ailleurs. Il est sorti à la pause. Ouais. Parce que il est pas sorti directement, mais il a attendu la mi-temps et il est parvenu effectivement. Alors je sais pas s'il y a eu des nouvelles. J'ai pas vu s'il y avait des nouvelles. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, parce qu'on sait qu'il est revenu il y a pas très longtemps. Hein, donc j'espère que c'est pas trop grave pour Terrier. Donc voilà, Leverkusen va revenir de la pause et gâcher quelques occasions de faire le break, hein, 11-10 en début de seconde période, et puis entrée d'Harry Kane à la 61e à la place de Lennart Karl. Et une minute plus tard, qui marque, et c'est Harry Kane. Et il va venir presser le gardien de Leverkusen qui cherche à dégager le ballon. Dégagement qui va être contré par l'anglais. Ça revient sur Luis Diaz, excentré, qui va remettre à Kane, qui va conclure dans le but vide. Sauf que, second but refusé pour le Bayern, car dans sa déviation en pressant sur le gardien, Kane a légèrement contré avec le bras droit. Donc toujours après intervention de la VAR. Donc je peux vous dire que sur ce match-là, l'arbitre, il est habitué maintenant à parler dans un haut-parleur devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Parce que en Allemagne, c'est mis en place. Hein, les arbitres expliquent avec le haut-parleur à tout le stade. En Italie aussi, je crois que c'est fait. Ouais, en Italie aussi. Et en Allemagne, c'est déjà fait. Donc là, ouais, sur ce match-là, il a pu le faire plusieurs fois. Je pense qu'il va être chaud pour faire un petit spectacle, un petit one-man show maintenant. Et donc 5 minutes plus tard pour le Bayern, but enfin validé cette fois-ci pour l'égalisation de Luis Diaz, bien lancé par Olivier après une perte de balle d'Andrich. 84e minute, Luis Diaz prend un second carton jaune 10 minutes après avoir reçu le premier. Donc expulsion, après avoir voulu chercher le pénalty en laissant traîner sa jambe, parce que c'est Luis Diaz qui vient lui-même buter sur Blažević, le gardien de Leverkusen. Le Bayern va donc finir à 9 contre 11, je vous le rappelle, il y a un partout. Hein. Le Bayern va donc finir à 9 contre 11 ce top spin, et Leverkusen va lancer assaut sur la cage bavaroise, au point de venir marquer le 2-1 dans les arrêts de jeu, sauf que but refusé pour un hors-jeu, qui se joue à quelques millimètres, hein, rien. Mais quand même, Sven Ulreich, le gardien du Bayern, qui est un vrai sauveur dans cette fin de match impérial, et même sur l'ensemble de la partie, où il a réalisé vraiment de sacrés arrêts et des belles parades. Donc voilà, coup de sifflet final, un partout. Le Bayern qui garde, on le disait, tout de même 9 points d'avance sur Dortmund, malgré cette non-victoire. Des scénarios, alors des décisions logiques plutôt, en fait, quand même. Globalement logique. Ouais. Globalement logique, effectivement. Non, franchement, pour moi, il n'y a pas de scandale sur ce match. Alors, après, voilà, je pense que la barre a été utilisée à bon escient. Alors, effectivement, pour le coup, il y a eu beaucoup de faits où, on s'est dit que le match était beaucoup arrêté. On a perdu beaucoup de temps aussi. Puis, donc, un Bayern qui avait l'impression d'être un peu lésé avec ses deux buts refusés d'abord. Mais bon, globalement, c'est des mains qui peuvent se siffler sur ces situations-là. Pour moi, il n'y a pas de scandale. En plus, bon, je veux dire, on n'est pas un tournant non plus de la saison. En tout cas, pas pour le Bayern. Pour les Leverkusen, peut-être un peu plus. Mais je pense que les Leverkusen peuvent se contenter quand même de ce match nul face au Bayern, même s'ils auraient quand même pu espérer remporter les 3 points, surtout en toute fin de match où ils jouent à 11 contre 9. Quoi. Très bien. Et du coup, le Bayern, c'est qui va être privé de gardien, alors? Bah, du coup, oui, parce que Ulreich, au final, c'est un peu fait mal ensuite, après ce match-là. Et ce qui fait que oui, Neuer est blessé également, donc Ulreich aussi, j'ai oublié les deux autres, du coup leur nom, il y a qui d'autre qui est blessé, Urbig, je sais pas comment on dit, bravo, et j'ai oublié un autre, non, c'est les trois là. Il y en a un quatrième, alors pareil, qui est un jeune aussi qui est blessé, alors je sais plus c'est lequel, hein, je ne suis pas assez connaisseur. Pour c'est Kanak. Kanak. Kanak, ouais. Qui est un 2007, et ouais, je vois dans l'effectif pro, qu'il reste deux gardiens quand même au Bayern, mais c'est un 2006, un 2009. Donc, voilà, en tous les cas, c'est des gardiens qui n'ont pas joué en non seulement de la saison, mais peut-être même jamais, en pro, en tout cas avec le Bayern. Donc, effectivement, là, le Bayern est dans une sacrée situation avec leurs gardiens. Donc, ça va que le taf est fait en championnat et face à l'Atalanta, parce qu'effectivement, c'est une drôle d'histoire. Très bien, on verra, en tout cas, si ça. Ça fonctionne avec ce gardien mercredi déjà. En deux mots, Dortmund à victoire face à Augsbourg 2-0. Très peu de temps, mais un mot sur ce match-là. Ouais, match tranquille pour Dortmund qui enchaîne une deuxième victoire de rang en championnat hein, depuis le fameux classiqueur justement il y a deux semaines. Adeyemi qui a vite ouvert le score dès la 13e pour lancer comme il faut son équipe dans cette rencontre. Et puis c'est le jeune défenseur italien de 18 ans, Luca Reggiani, pour sa deuxième titularisation seulement, qui va marquer donc ce deuxième but juste avant l'heure de jeu de la tête sur corner. Corner bien sûr tiré par Ryerson, hein, toujours un as dans cet exercice, tout comme dans ses centres précis et dangereux dans le jeu. Voilà, je vais m'arrêter là. Augsbourg qui a été que très peu dangereux et n'a vraiment pas existé dans ces 90 minutes. Donc c'est quand même là qu'on se dit que c'est dommage pour le BVB d'avoir perdu contre le Bayern justement il y a deux semaines. Parce que au vu aussi de la physionomie du match du classiqueur, Dortmund là n'a plus que le championnat à jouer dans cette fin de saison. Donc c'est dommage parce qu'ils ont été éliminés de C1 et de Coupe d'Allemagne aussi depuis plusieurs semaines. Donc Dortmund avait un peu un champ libre là pour essayer d'engranger le maximum de points jusqu'à la fin de saison. Mais bon là, c'est vrai que le Bayern ça allait vraiment trop loin. Et en tout cas, Dortmund qui est au-delà de ça très très bien installé sur la deuxième marche du podium, 8 points devant Hoffenheim. C'est ça. Pour finir, Stuttgart, il y avait un Stuttgart-Leipzig, là aussi un mot sur ce match, Stuttgart qui fait une belle opération comptable. Exactement, c'était un match à gagner pour Stuttgart pour prendre 3 points d'avance justement sur Leipzig, parce que Stuttgart est 4e à égalité de points avec Hoffenheim qui est 3e, et Leipzig donc est relégué à 3 points derrière, hein, Leipzig 5e. Donc c'était un match très important pour les deux équipes, hein, pour essayer de prendre un peu de vitesse l'autre. Stuttgart et Leipzig ont livré une belle bataille, parce que ça a été assez serré quand même. Stuttgart a plus pris le dessus sur cette rencontre, sur ce choc. Et c'est l'éternel, si j'ose dire, côté Stuttgart, Denis Sundav, qui a marqué à la 56e minute, qui continue à faire une très très bonne saison et à engranger les buts également. Il est à 19 buts, je crois, toutes compétitions confondues, hein. C'est l'un de ses meilleurs totaux, de toute sa carrière confondue. Donc, ouais, franchement, il est un peu sur un petit nuage, Sundav, cette saison avec Stuttgart. Donc pour l'instant, très très belle opération du VfB pour les places européennes et les places de C1 surtout. Très rapide, vos belles opérations pour Hoffenheim, un match un partout qui leur laisse 3 à la 3e place, mais qui voit Stuttgart du coup revenir à hauteur. Et puis enfin le Bayer Leverkusen qui est le grand perdant du coup de cette journée, puisqu'il est 6e désormais avec 45 points. Alors que Leipzig donc est 5e 47 points, Stuttgart et Hoffenheim lundi 50, Dortmund 58 et 67. Le leader c'est le Bayern. Fribourg reste 8e avec 34 points. Je pense quand même que le grand perdant c'est Leipzig quand même, je pense, hein, sur le jeu. Pour la Ligue des Champions, oui. Bah, Leverkusen a quand même réussi à prendre un point contre le Bayern. Alors il pouvait espérer mieux, l'a dit avec la physionomie du match et tout ça. Mais au final, je regarde sur le papier, je veux dire, tu prends quand même un point contre le Bayern. C'est pas arrivé à tout le monde dans le top 6. Hein. C'est vrai. On va St. Pauli, Wolfsburg et Heidenheim. Heidenheim. Très rapidement. On a Leipzig-Hoffenheim. Très intéressant. Ouais. C'est vendredi, en ouverture, la 27e journée à 20h30. Donc 3 points, on l'a dit, se les sépare. Donc Leipzig a un très gros coup à faire et se rattraper de cette défaite-là ce week-end pour essayer de revenir tout simplement à hauteur. On a donc Heidenheim justement qui reçoit le Bayer Leverkusen. On a pas de gros match en fait, après c'est le seul gros match, hein, vraiment véritablement de cette journée. Ouais. Bayern Berlin, ouais. Donc voilà, vendredi c'est un match intéressant et c'est surtout derrière Stuttgart qui peut en bénéficier de cette affiche en fonction du résultat. En jouant en dernier dimanche à Augsbourg pour essayer de prendre un succès important. On verra ça. L'Italie désormais avec la journée, c'était la 29e journée. Alors ça a repris justement en Italie entre Cremonese et Fiorentina. Ça va reprendre en Ligue 2 dans quelques secondes normalement. Non. Parce que j'ai des autres infos dans les notes que j'avais prises. Ah ouais, ça reprend dans quelques secondes. Tiens, l'arbitre va siffler dans 5 secondes et ça va être reparti entre Annecy et 3 toujours 1-0 donc pour le FC Annecy. Très bien. Mi-temps en Angleterre et mi-temps aussi en Espagne, non? Quelques secondes. L'Italie donc avec on va commencer avec l'Inter, le leader qui reçoit l'Atalanta. Match nul pour Inter, pas de grandes conséquences pour le leader de la Serie 1 qui conserve quand même 8 points d'avance, on le verra, sur le Milan. L'ouverture du score c'est 26e minute, c'est Esposito qui va sur une frappe mal excentrée à gauche, à gauche du but mal négocié par le gardien qui va ouvrir le score. Très logiquement. Ensuite, il y a eu 3 grosses occasions pour Marcus Thuram, hein. 49e, une frappe qui va raser la barre transversale. 61e, c'est un tir repoussé par le gardien. Et puis 74e, une magère tentée par l'attaquant français qui va passer de peu à côté du poteau gauche. Donc, quand même un Inter avec pas mal d'occasions. Et puis, à force de manquer, l'Inter qui va se faire punir à la 82e, c'est un but de Christovic après une frappe repoussée dans l'axe par Sommer. Le joker de Bergin qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Donc match nul finalement pour l'Inter qui manque l'occasion de vraiment s'échapper en haut du classement, mais on le verra, le Milan qui n'a pas gagné, donc pas de grandes conséquences pour l'Inter qui donc conserve 8 points d'avance. Naples maintenant qui pouvait bénéficier justement de tous ces contre-performances devant, qui en a profité justement avec une victoire méritée dans l'ensemble pour Naples. Hein. C'est pourtant Lecce qui va démarrer fort avec l'ouverture du score dès la troisième minute sur un corner, avec Siebert qui va marquer une superbe tête, hein, qui va lober le gardien de Naples. Il va falloir attendre la seconde période pour voir enfin Naples dangereux. Ça va se concrétiser dès la 46e, donc à la reprise, avec un but de Højlund sur une offrande de Santos. Donc là, un centre devant le but, l'attaquant n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et ensuite, plusieurs occasions pour Naples qui va finir par prendre logiquement l'avantage dans la rencontre à la 67e. C'est un nouveau corner. Politano qui va reprendre du volet du pied droit pour le 2-1. Donc une victoire somme toute logique pour Naples qui, du coup, au classement, revient à une unité du Milan. Et voilà, qui conserve 5 points d'avance sur le 4e. Donc une très belle opération pour Naples ce week-end. Juste petite histoire très rapide. Ouais. C'est pour ça que j'étais déconcentré il y a 2 minutes là, quand tu me parlais de la reprise en Ligue 2. C'est parce que je lisais un article, parce que j'avais pas vu passer ce week-end. C'est que sur ce match-là, entre Naples et Lecce, il y a Lamek Banda, qui est donc un joueur de Lecce, qui a été victime d'un malaise en plein match. J'avais pas du tout vu ça passer ce week-end, pour le coup. Et donc, il a été emmené à l'hôpital, bien sûr. Et il est pile poil sorti à temps de l'hôpital pour retourner à Lecce, parce que le match était à Naples, et pour voir sa fenêtre à Lecce. Voilà. Donc, mon Dieu, on est content que lui aille mieux après son malaise, du coup, pendant le match. Et puis, félicitations à lui, bien sûr, s'il nous écoute. Pour la naissance de sa fille. Mais voilà, petite histoire qui finit bien du coup, oui, et qui finit bien. Une belle histoire finalement. 3-0, tiens, et un nouveau but pour la Fiorentina, donc il y a une 3-0 désormais. La Juve maintenant qui était en déplacement à Udinese, victoire logique pour la Juve là aussi, hein, même encore plus logique que la victoire de Naples, là, c'est vraiment indiscutable. 3 occasions d'entrée pour Jamie Boga qui va finir par ouvrir le score logiquement à la 38e, un centre de Yildiz, et c'est donc le but de l'attaquant ivoirien qui est à la réception de ce centre. 1-0 donc pour la Juve. 70e ensuite, Conceição qui va penser faire le break, mais la VAR en décide autrement. C'est un enjeu assez logique de l'attaquant portugais, donc on en reste à 1-0. Donc victoire logique qui permet à la Juve de remonter 5e. On verra qui prend la place de la Roma et revenir à un point seulement de Côme, qui est l'actuel dernier pour la Ligue des Champions, dernier classé. Donc c'est une belle opération pour la Juve qui continue de grimper, hein, voilà, qui grappille avec une deuxième victoire consécutive après le succès face à Pise la semaine passée. La Roma qui était en déplacement à Côme, là aussi une victoire très très logique, hein, si on parle très rapidement de chiffres, hein, pardon, de Côme, la victoire de Côme, là si on parle de chiffres très logiques, hein, 22 tirs à 3, voilà, un seul tir cadré pour la Roma, donc c'est le but en fait, hein, tout simplement de la Roma. Donc c'est une victoire vraiment très très logique de Côme, qui aurait même pu gagner plus largement. C'est pourtant la Roma qui avait fait un meilleur départ avec un penalty obtenu dès la 7e minute et transformé par Malone, contre-pied parfait. La réaction de Côme ne fait pas attendre avec plusieurs occasions à la pause, mais on en reste à 1-0 à la mi-temps. Et puis dès la reprise, égalisation logique, hein, de Côme par Douviskas, donc un partout à l'heure de jeu. Et puis dans la foulée de l'égalisation, c'est un second carton jaune pour Franca, carton rouge donc pour la Roma qui termine la rencontre à 10. Et logiquement du coup la Côme qui va pousser, qui va venir pas faire craquer la Roma à la 81e. C'est un but de Diego Carlos, victoire de Côme donc qui remonte grâce à ce succès à 4e place. Donc une très très belle opération comptable aussi pour l'équipe de Côme, qui fait vraiment une très belle saison, hein, qui continue d'impressionner et qui enchaîne là pour le coup un 4e succès en championnat. Donc c'est vraiment une qui avait battu la Juve déjà et qui avait fait entre-temps un match nul face à l'Inter en Coupe d'Italie. Donc vraiment une très très belle période pour le Côme qui pour l'instant est 4e. Et on en termine avec la Lazio qui recevait le Milan. On le disait, c'est la mauvaise opération du week-end pour le Milan. Défaite 1-0, première défaite d'ailleurs de la saison à l'extérieur pour le Milan AC seulement. Voilà, ils auraient pu profiter du nul de l'Inter pour revenir à 5 points et vraiment relancer complètement la course au titre. C'est raté. Voilà, un match assez fade pour le Milan et face à une équipe de Lazio plutôt dynamique et qui n'aura besoin que d'un but. C'est Isaacson qui va avoir mis le seul but de la rencontre à la 26e pour s'imposer dans cette rencontre. Voilà, le Milan qui a pourtant beaucoup tenté, hein, 17 fois, mais seulement 3 tirs cadrés. Bah, évidemment, c'est beaucoup trop peu pour espérer plus dans cette rencontre. Donc, il va rester à 8 longueurs de l'Inter. et qui voit Naples revenir à 1 point donc et comme à 6 points, donc attention ne pas tout perdre hein, dans cette fin de saison. Alors il reste quand même de l'avance hein, mais attention quand même ne pas réitérer ce genre de mauvais résultats pour rester sur ce podium. Le classement, donc on l'a dit, l'Inter est leader avec 68, le Milan 60, Naples 59, Côme 54, la Juve remonte à la 5ème place 53, la Roma chute, du coup c'est le grand perdant de ce week-end, hein, 6ème avec 51 points, Bergame 7ème, la Lazio 9ème avec 40 points, on peut encore espérer des choses, hein, il faut s'accrocher pour la Lazio, réussir ce genre de belle opération. On va Cremonese, Pise et Vérone sont donc les relégables dans cette Serie A. Tour par ce qui nous attend sur la prochaine journée avec il y a pas vraiment d'affiche globalement sur cette journée-là. Tu te moques de la Lazio qui a encore des choses à jouer au classement. Ils se déplacent à Bologne hein, c'est donc la Lazio qui est 9e, Bologne 8e, il y a 2 points d'écart donc pour les places européennes, c'est malheur au vaincu comme on dit. Exactement. Voilà, c'est la seule petite affiche sympa. L'Espagne maintenant, justement où c'est la mi-temps, les 20 semaines 1-0, ça a marqué juste avant la pause, face au Rayo Vallecano, donc 1-0 pour l'instant dans cette rencontre. 41e l'ouverture du score. On y va très rapidement avec l'Atlético, pour une fois qui a enchaîné deux victoires. C'était victoire face à Retafe. Ouais, victoire étriquée de l'Atlético qui a su marquer vite dans ce match à la 8e grâce à un énorme golasso de Nahuel Molina qui claque une énorme frappe en pleine lucarne de loin, de très loin, il était à quoi, 25 mètres à peu près. Molina qui a aussi été impliqué sur deux autres occasions dangereuses en première période, hein, il était vraiment en feu, en folie dans ce match-là, mais il ne saura pas les convertir pour le coup alors que ces opportunités-là, elles paraissaient bien plus simples à conclure que son but. C'est un peu le résumé de ce match de l'Atlético, hein. Beaucoup de situations dangereuses mais trop peu d'efficacité pour conclure. Sorloth qui a aussi touché le poteau en première période de la tête, et malgré une domination globale des Colchoneros, Retafe a quand même eu un petit peu son mot à dire dans ce derby madrilène sur quelques occasions nettes, souvent offertes d'ailleurs par la défense de l'Atlético Madrid qui s'est montré assez friable. Mais mine de rien, en l'absence de Black dans les buts, je pense qu'on peut dire que l'Argentin de 31 ans, Juan Musso, hein, qui était dans les buts des Colchoneros, ça a marqué des points sur ce match en étant précieux. Ça permet tout de même à son équipe de retrouver le podium et la troisième place, puisque de son côté, Villarreal a été accroché un partout à Alavés vendredi. Exactement. Alors que ouverture du score, pas du tout, égalisation de l'Estac à Annecy, 54e minute de Uzemadji, un partout donc entre Annecy et 3. Le Real, avant de finir avec le Barça, qui était en réception de Elche, victoire assez logique du Real qui enchaîne une deuxième victoire après la victoire face à City, 4-1. Ouais, je parlais du golasso marqué par Molina avec l'Atlético. Il y en a aussi eu des incroyables buts du côté de l'autre grand club madrilène dans un match maîtrisé du Real hein, qui surfe sur sa bonne dynamique après le 3-0 contre City, on l'évoquait tout à l'heure. Et malgré, encore une fois, plusieurs absences de marque, dont Mbappé, bien sûr. Le Real qui a quand même mis du temps avant de trouver la brèche à la 39e, où le gardien d'Elche va prendre deux bastos d'affilée. D'abord avec une mine envoyée par Valverde sur coup franc, que le gardien va réussir à détourner, et ça va finir par revenir sur Rudiger vers le point de penalty qui va envoyer une reprise de volée digne d'un numéro 9 et ouvrir le score. Valverde qui va se rattraper quelques instants après face au but juste devant la surface. Petit crochet et frappe millimétrée qui finit en Lulu. 2-0 pour le Real à la pause avec autorité. Et donc encore Valverde buteur. 3-0 ensuite de la tête grâce à Dinoisen, hein, le défenseur à la 66e. Et puis ça va un peu pêcher physiquement dans le dernier quart d'heure avec du turnover hein, réalisé par Arbeloa et Elche qui va en profiter pour aller mettre la pression à la défense déringuée et forcer un CSC de Manuel Angel après un très très mauvais ballon de Camavinga en plein milieu de sa surface. Pourtant je pense que Camavinga, comme nous tous ici, enfin nous tous qui avons joué au foot, on lui a assez bourré le crâne, pas dans l'axe hein, depuis les catégories U6-U7. Hein, pour le coup, il a vraiment fait une grosse bourde Camavinga et ça a coûté un but à son équipe. Et puis juste avant les arrêts de jeu, vient ce but, je sais pas si tu l'as vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Ce but vraiment extraordinaire, encore plus que Molina avec Classico, encore plus que celui de je ne sais qui cette saison, Darda Güler qui de son propre camp sur un contre voit le gardien d'Elche très avancé et il tente le méga lob de loin qui va payer et ça nous offre probablement le but de la saison en Liga Même si on a eu des très beaux hein, cette année, franchement, les gars. Mais bon, celui-là, à chaque fois, c'est toujours une perle, une pépite de voir ce genre de but. Des buts marqués dans son propre camp pour l'Obel gardien. Donc voilà. Des golasso, victoire pleine, un match plein du Real. 4-1, donc pour revenir à un point du Barça, avant que le Barça n'ait à jouer son match hier. Et ouais, qui a enchaîné là aussi avec un 5-2 face à Séville et du coup qui conserve ses 4 points d'avance. Ouais, grosse victoire du Barça et il le fallait hein, donc pour garder la Real à distance justement dans cette course au titre. Un Rafinha exceptionnel hein, qui confirme sa forme actuelle avec un triplé, deux pénaltys transformés en début de match à la 9e et 20e, dont une Panenka d'ailleurs, une très belle Panenka, et puis un but dans le jeu à la 51e. Donc oui, pareil, comme le Real, un match plein du Barça qui a pu faire tourner en attendant la Ligue des Champions justement avec ce match face à Newcastle. Yamal et Fermín López qui sont rentrés qu'en seconde période. Gros point positif aussi, c'est Gavi qui a fait son retour en fin de match après 203 jours d'absence. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre de positif hein, Dani Olmo qui retrouve le chemin des filets aussi, tout comme Cancelo hein, qui a aussi marqué, même s'il a moins vocation justement à mettre des buts hein, de par sa fonction, mais qui, on le sait, Cancelo, c'est pas non plus le plus maladroit face au but, donc c'est aussi une bonne chose de le revoir marqué comme ça. Donc ouais, c'est le petit bémol pour le Barça sur ce match, parce que quand même c'est deux buts encaissés à chaque fois dans les arrêts de jeu de chaque période via des manques de concentration de la défense catalane. Voilà, c'est vraiment quelque chose aussi que le Barça doit corriger dans cette dernière ligne droite ouais, de la saison, même si ce week-end la défense alignée était quand même assez jeune et pas forcément expérimentée à jouer tous ensemble. Donc voilà, on peut dire que c'est un petit peu les excuses qu'on peut trouver à cette défense du Barça. En tout cas, le FC Barcelone qui compte 4 points d'avance donc sur le rival du Real Madrid et arrive en pleine confiance ouais, pour ce 8e de finale retour contre Newcastle, je l'évoquais, après la mauvaise perf de la semaine dernière en Angleterre. Et puis au passage, le président du Barça qui était réélu, Joan Laporta, ouais, qui était réélu ouais, aujourd'hui avec pratiquement 70% des votants. Donc large victoire qui reste en tête après ce second mandat là qui se terminait cette année. Tiens aussi la nouvelle de Kylian Mbappé, retour à l'entraînement. Ça y est, avec le Real hein, qui se rapproche peut-être d'un retour à la compétition. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle et pour l'équipe de France, je sais pas, mais allez, on le verra peut-être sur le terrain de Manchester City demain. On verra ça en tout cas. Voilà, avant de peut-être le voir. J'espère qu'il commencera pas quoi. Non, et que s'il n'y a pas vocation à réagir au niveau du corps, ça sert à rien. Faut pas rentrer, ouais, c'est clair. Ouais. Le classement, tu l'as dit, hein, le Barça avec 6 points d'avance sur le Real. 4, pardon, oui. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Et le Real, lui, qui en possède 9 sur l'Atlético, hein, qui est 3e. Le Real, on a 2 points derrière. Après, il y a vraiment des écarts. 5e, Betis avec 11 points de retard sur le Villarreal. C'est vraiment des gros écarts derrière qui se sont créés. Elche, Levante, Oviedo. Relégable. La journée qui arrive, le Barça recevra le Rayo Vallecano. Atlético en déplacement au Real. Belle affiche qui nous attend. Ce sera samedi, je crois, hein, cette rencontre entre les deux clubs madrilènes. Vraie affiche, hein. Non, dimanche soir, 21h. Ça a été positionné finalement ce match-là. Donc, voilà, ça peut permettre à Atlético de revenir un petit peu, mais surtout de freiner le Real et peut-être de voir le Barça s'échapper définitivement peut-être. En tout cas, c'est une belle affiche qui nous attend dimanche soir. L'Angleterre pour terminer, alors que ça n'a pas bougé. Alors Brentford mène 2-1 désormais face à Wolverhampton, donc à la reprise de cette rencontre. Donc en Angleterre, et puis pour le reste, pas de but ailleurs. Donc l'Angleterre, je le disais, on va essayer de faire vite avec d'abord Arsenal qui recevait Everton, un succès, on va le voir pourquoi, mais très important, mais qui a mis très longtemps à se dessiner quand même pour cette équipe des Gunners. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, ouais, parce qu'Arsenal a vraiment surdominé ce match. Alors, pourtant, j'attendais mieux d'Everton quand même, qui réalise une bonne saison jusque-là par rapport, encore une fois, je le disais aussi il y a 2 semaines, aux dernières années où ils nous habituaient à jouer vraiment les derniers rôles en PL Everton. Mais donc ouais, Arsenal qui a fait vraiment son match, et tu l'as dit, c'est arrivé vraiment tardivement parce que Gyökeres a ouvert le score seulement à la 89e, et puis c'est le jeune Doman aussi qui est entré dans le dernier quart d'heure et qui va marquer donc à la 90+7 le 2-0 pour Arsenal. Donc c'est un peu dans la lignée aussi de ce que nous proposait Arsenal la semaine dernière aussi, où ils avaient un petit peu de mal offensivement à conclure et tout ça. Là aussi ça a mis du temps à arriver. L'efficacité n'a pas forcément été là, c'était entre guillemets que 7 tirs cadrés sur 25 tirs tentés. Ça manque encore, en tout cas en ce moment il y a un gros manque d'efficacité en attaque côté Gunners. Alors c'est pas non plus extrêmement nouveau, on sait que Gyökeres a eu un peu de mal déjà à s'adapter non seulement à l'équipe mais au championnat aussi. Là il est rentré en cours de jeu à la place d'Avertz à l'heure de jeu, mais il a quand même fait la différence. Arsenal s'en sort avec 3 points, c'est exactement ce qu'il leur fallait pour garder de l'écart et un très bon avantage par rapport à City donc qui est 9 points derrière. Alors c'est vrai qu'Arsenal a un match en plus de jouer par rapport à ses poursuivants, mais il fallait absolument gagner pour les Gunners. Chelsea là qui manque l'occasion de tout simplement de revenir dans le top 4 avec une défaite à domicile face à Newcastle. Ouais, grâce à un but sur le plus petit des scores, hein, que Chelsea s'incline 1-0. C'est passé un but de Gordon, Newcastle qui a marqué pour le coup en début de match à la 18e. Donc oui, c'est vrai que Chelsea a en plus offre un peu cette défaite avec un but qui a été donné avec une erreur défensive des Blues. Alors Chelsea après a quand même essayé de remonter parce qu'ils ont dominé, ils ont vraiment eu le ballon dans ce match, hein, 68% de possession. Ils ont vraiment eu beaucoup plus d'occasions que Newcastle, mais Newcastle a soutenu, a été très costaud défensivement et Chelsea a surtout était extrêmement maladroit face au but. Ils ont touché un poteau des deux côtés, hein, Chelsea comme Newcastle. Newcastle a su tenir, Chelsea n'a pas trouvé la brèche et surtout cadré que 3 frappes sur sa vingtaine de tirs cadrés, 22 au total. Et ouais, effectivement, on sent que on a du mal à Rosenior a du mal à trouver vraiment des bonnes solutions en tout cas pour lancer une vraie dynamique à Chelsea comme il a pu savoir le faire à Strasbourg encore l'année dernière. Mais pour l'instant Chelsea ça a du mal à avancer dans le même sens, en tout cas c'est en dents de scie encore, et on l'a vu sur ce match là face à Newcastle qui a franchement grandement embêté le Barça déjà la semaine dernière. Donc on pouvait forcément s'attendre à un match compliqué pour les Blues, ils l'ont eu ce week-end et donc ça fait deux très mauvais résultats pour Chelsea d'affilée, hein, parce que pareil je parlais de la LDC pour Newcastle, mais Chelsea c'est pareil après le 5-2 pris au parc, il y a une nouvelle défaite en championnat aussi contre Newcastle. Puis samedi, pour finir, City était en déplacement à West Ham. 2 points précieux perdus pour City, hein, qui laisse Arsenal prendre 9 points d'avance provisoirement. Donc City là, vraiment avant danger à fond, pire que qu'Arsenal. Pas au Real, parce qu'effectivement au Real, ils ont pris 3-0, on les a vraiment pas reconnus, ils n'ont pas visité. Bon là, effectivement, c'était pas la même opposition, ça c'est sûr. C'était que West Ham devant, enfin en face. Il y a eu un partout. West Ham, Manchester City, un partout. Il y a eu 24 tirs à 1 pour City. Un seul tir et un but pour West Ham, c'est fou. Mais c'est pour te dire, but sur corner de West Ham, corner qui n'était pas sur une frappe, ça n'a pas été une frappe déviée ou arrêtée par le gardien. Donc c'est un dégagement un peu manqué, ou un peu en catastrophe plutôt de la défense citizen. Je crois que c'est Kouzanov, mais je ne suis pas sûr, donc je n'ai pas plus m'avancer que ça. Mais donc Silva, Bernardo Silva qui va ouvrir le score à 31e. Il y a ce fameux corner sur lequel West Ham va égaliser 4 minutes plus tard à 35e. Et puis après City va vraiment en danger. Il y a un vrai problème devant, allant de Paris qui a vraiment du mal à être trouvé et ça devient vraiment un problème là aussi des semaines. Sur leur seul corner d'ailleurs. Oui, bien sûr, ouais. Vraiment. C'est fou. Donc c'était le seul tir, donc il y avait beaucoup de chances que ce soit le seul. Voilà, mais après il peut avoir un corner et puis c'est pas toi qui t'as le ballon sur le centre. Ça peut arriver. Mais offensivement il y a un gros problème de d'animation en ce moment pour City. Il a remis le même système en fait que avec un espèce de 4-4-2 en losange Pep Guardiola sur ce match-là, tout comme face au Real, et on sent vraiment que ça fonctionne pas des masses, quoi. Et même face à West Ham, où tu domines à fond, t'arrives pas à trouver vraiment la brèche pour aller chercher cette victoire-là. Et pourtant, Marmouche a été titularisé, c'est l'un des seuls qui amenait vraiment de la vitesse et de la dangerosité devant, mais Boucher comme Cherki, quand il est rentré, quand il a remplacé, il a eu un peu le même rôle avec le talent qu'on lui connaît, bien sûr. Mais voilà, à côté de lui, ça a été compliqué aussi. Semenyo, je suis assez déçu de Semenyo pour l'instant depuis son arrivée. Mais non, City, il va falloir, pour moi, que Guardiola trouve un autre système pour animer son attaque. Ça, c'est une certitude. Bon, en tout cas, voilà, ça fait que City perd l'occasion de rester à distance d'Arsenal, à distance raisonnable. Il y a 9 points de retard. Mais après, c'est vrai qu'il y a un autre match d'avance, mais pour Arsenal, mais il faut pour City gagner ce match de retard. Donc, ça fait que pour l'instant T, il y a 9 points comme ce qui est beaucoup. Hier, d'abord, on avait United face à Villa. C'était un vrai choc de saut de tableau. United qui fait la belle opération et qui, du coup, est désormais seul troisième avec 3 points d'avance sur Villa. Ouais, exactement. Une belle victoire pour United qui continue aussi dans une très très bonne dynamique. Ça fait surtout jouer pour eux. Enfin, puis même le match en seconde période, il y avait 0-0 à la pause. Casemiro qui ouvre le score très tôt dans cette seconde période. Et puis, juste égalisation après l'heure de jeu de Villa où United avait une petite baisse de régime à ce moment-là. Et ils ont su réagir finalement après l'égalisation où ils ont vraiment repris un peu le match en main. Et leur destin entre leurs mains et le 2-1 par Mateus Cunha et le 3-1 80e de Benjamin Sesko. Donc ouais, encore une victoire très importante bien sûr pour United dans la course au podium, dans la course à la Ligue des Champions. Ça permet aussi donc de prendre 3 points d'avance à justement leur adversaire du jour Aston Villa. Donc très très grosse opération. Et ouais, on voit que United cette année pour le coup, bah, non seulement revient jouer les premiers rôles de cette première ligue, donc ça c'est une chose et c'est assez agréable, même qu'on soit fan ou pas, mais de revoir cette équipe-là un peu bah, justement jouer les premiers rôles, rechercher une place en C1. Et on voit que même dans les matchs importants, dans les matchs en jeu ou dans les matchs contre les adversaires directs, ils répondent présents aussi. Donc c'est intéressant de voir ce que fait mine de rien aussi Michael Carrick, l'ancien joueur de Red Devils justement, qui est sur le banc depuis peu, mais il serait qu'il amène vraiment une certaine chose à ce club-là et à cette équipe-là. Donc encore une belle perf et une belle opération de United. Et puis Liverpool, bah, un peu à l'instar de Chelsea, qui manque l'occasion de passer à quatrième devant Villa avec un match nul face à Tottenham. Vraiment un match nul, j'allais dire bête, enfin dommageable, parce que c'est vrai que c'est une équipe comme Tottenham qui a apparemment la peine en championnat. On l'a vu aussi en Ligue des Champions. Il y avait vraiment mieux à faire sur cette rencontre. Bah ouais, mais c'est ce que je disais en début d'émission. Face à Galatasaray, c'est une défaite à la clé pour Liverpool. Là, c'est un match nul, mais c'est un peu le même, quoi, j'allais dire coup du sort, non, mais c'est à peu près le même scénario, la même physionomie. Là où Liverpool domine le match globalement, on les sent bien sûr au-dessus, à peu près dans tous les compartiments du jeu, mais encore une fois, dans la finition et devant, ça se trouve et il y a pas les buts qui sont là en fait. Il y a Szoboszlai qui ouvre vite le score là. À la 18e, mais les attaquants ne marquent pas. Gakpo n'a pas été bon devant. Même chose pour Nyoni qui est rentré, pour Ekitike qui est rentré pourtant aussi à la place de Wirtz. Hein. Chiesa est rentré en toute fin de match. Enfin, je veux dire, voilà, Arne Slot, il a fait rentrer l'armada offensive vraiment en seconde période, en fin de match, pour aller chercher vraiment ses 3 points, et tu disais, pour réintégrer ce top 5 et même doubler effectivement Aston Villa au classement. Mais ouais, non, ça n'a pas été fait, et surtout contre une équipe comme Tottenham qui vient un petit peu crucifier Liverpool à la 90e pour égaliser grâce à Richarlison. Tottenham dans la méforme incroyable qu'on lui connaît cette saison, mais qui est toujours 16e avec son match nul de PL, et qui, on le rappelle, a pris cette valise face à l'Atletico la semaine dernière en Ligue des Champions. Donc ouais, non, franchement, grosse contre-performance de Liverpool, des Reds. Et ça va encore des points de perdu pour eux, donc là ça commence à faire beaucoup cette saison pour Liverpool. Donc bah, le leader c'est Arsenal avec 70 points, City deuxième avec 61 points, United seul troisième avec 54 points, Villa 51 quatrième, Liverpool cinquième 49, Chelsea sixième 48. En bas on a dit Tottenham un seul point d'avance sur Forest 17e et sur West Ham 18e, donc c'est vraiment très très gros danger. Burnley 20 points, c'est pratiquement fini, et puis Wolverhampton 16 points, on l'a dit, c'est déjà fini depuis un bon moment. Ce week-end, alors on le rappelle, c'est la finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Arsenal et Manchester City. Ce sera dimanche à 17h30 à Wembley. Belle affiche, hein, voilà, entre les deux équipes qui se tire la bourre pour le titre. Bah voilà, ils vont, il y en a un premier déjà à remporter ce dimanche. Et puis sinon, bah pour les autres matchs, eh bien il y aura pas de grosses rencontres pour Liverpool à Brighton, pour United à Bournemouth, ou encore pour Villa en réception de West Ham. Voilà pour les autres, et puis Chelsea en déplacement à Everton, qui peut encore jouer quelque chose, donc ça sera pas simple pour Chelsea, qui en plus jouera demain, donc forcément on va lâcher un peu d'énergie. Voilà pour l'Angleterre, et puis voilà pour le Tour d'Europe. Ça a remarqué, hein, donc Fiorentina qui a marqué un quatrième but, enfin il y avait 3-0, il y a eu 4-3-1 puis 4-1 pour la Fiorentina. Annecy 3-1 partout, toujours indécis. Le Levante mène 1-0 toujours au Rayo, qui joue désormais à 10, donc ça va être compliqué pour le Rayo de revenir. Puis Vereinfort mène toujours 2-1 face à le Wolverhampton. La France, à 22h16, on n'est pas en avance, mais on va essayer de rattraper le retard. Victoire d'Orléans qui recevait le Paris 13 Atlético, victoire importante pour rester accroché en haut. Alors malheureusement, c'est que tout le monde a gagné. Dijon a gagné 2-1, Rouen a gagné aussi 3-2 dans les dernières secondes. Le résultat n'a pas été favorable malheureusement devant. Et puis Sochaux a gagné 2-0, donc pas toujours le même résultat, hein. 4 points de retard sur Sochaux et Rouen, ils sont 3 et 2e, et 4 sur Dijon et 5 sur Dijon qui est premier, donc c'est vraiment dans un mouchoir, hein, et il faudra un week-end avec des résultats favorables pour vraiment recoller, donc tout est encore possible. Vendredi, déplacement à Caen, qui est actuellement 12e, hein, qui joue plus grand chose, donc voilà, il faut enchaîner absolument. 19h30. Pour le reste, Sochaux ira à Aubagne notamment, Rouen ira au Paris 13 Atlético, Dijon ira à Quevilly-Rouen les dernières, donc c'est que des mal classés, donc c'est pas encourageant pour les scénarios favorables, mais sait-on jamais dans cette 26e journée. La Ligue 2, ben on le dit, ça se joue en ce moment. 3 qui est déjà leader, hein, qui peut prendre 4 points d'avance en cas de succès, puisque Saint-Étienne a été tenu en échec à Grenoble. Vous avez l'occasion pour donc 3 de prendre le large. Le Mans reste 3e à la faveur de son succès à Nancy 4-2. Le Red Star qui prend une belle option avec cette victoire face à Dunkerque 15-0 et donc reprend la 4e place aux dépens de Reims, battu face à Rodez, donc il chute à la 5e place. Rodez de son côté qui du coup revient à hauteur, hein. C'est très très serré pour la 4, 5 et 6e place, parce qu'on le sait, c'est le barrage qui se joue pour les 4 et 5e places, donc 44, 43, 43. Montpellier à 41 peut encore espérer le barrage, et Annecy, en cas de succès ce soir, peut aussi se rapprocher. Donc c'est vraiment vraiment relativement serré pour pratiquement toutes les places, notamment le barrage, et puis pour le haut, bah ça va se décider et se dessiner peut-être en partie ce soir. On va le voir avec 3 qui continuent de jouer. Terminons avec la Ligue 1, donc cette 26e journée. Allez, 22h18, on va essayer d'être efficace, hein, un petit débrief de chaque match en une minute maximum, en commençant par Marseille qui recevait Auxerre dans une période un peu compliquée, et victoire précieuse pour Marseille avec le seul but du match par Gouiri. Ouais, c'est pas rien, il n'y a plus que ça à jouer pour l'OM, il n'y a plus que le championnat, donc il faut jouer le coup à fond maintenant. Alors le coup n'a pas été joué vraiment à fond face à Auxerre, parce que la victoire poussive quand même de l'OM, où ils ont été assez amorphes en première période, où on s'est franchement quand même ennuyé globalement dans ce match-là. C'est vrai que l'animation offensive n'a pas été forcément très très bonne côté marseillaise, je pense même à Greenwood ou Aubameyang. Il y a que Péchao qui a quand même de temps en temps vraiment des fulgurances sur son côté techniquement et puis dans la profondeur. Et oui, donc cette entrée de Gouiri qui remplaçait donc un défenseur, un Ken Riley, il y a eu un vrai choix offensif de fait côté Abid Bey. Et donc Gouiri qui va enfin marquer, délivrer le stade Vélodrome à la 79e. Voilà, on va dire que le principal est là pour Marseille, c'est forcément les 3 points pour garder ce podium, pour rester devant Lyon. Donc ça a été chose faite, mais franchement la manière n'était pas du tout là pour les Olympiens. Non, mais voilà, c'est l'essentiel là, c'est vraiment ce succès très très précieux. Lens qui chute à Lorient, fallait que ça finisse par arriver, hein, pour les Lensois qui étaient sur une belle série, une défaite donc 2-1 face à un adversaire qui peut encore espérer des choses dans ce fin de championnat. Et pour les Lensois, bon, rien de rédhibitoire, mais c'est dommage, Paris ne jouait pas, donc il aurait pu être question de revenir, de repasser provisoirement premier pour les Lensois. Ouais, on sent que c'est peut-être cette fameuse défaite à Monaco, hein, il y a quelques semaines qui a fait un peu de mal. À Lens, forcément, là, on se rappelle, il gagnait 2-0, puis Monaco a fait la petite remontada 3-2. Depuis, en Ligue 1, il y a eu match nul à Strasbourg, il y a eu 3-0 contre Metz, si vous me permettez, pardon à tous les Messins, hein, en plus je suis pas hyper loin de Metz, je suis dans la même région, mais bon voilà, il y a pas de miracle à gagner contre Metz. Et puis oui, Lorient, on le sait, qui est une très bonne équipe cette saison, qui plus à domicile. Et là, Lorient fait mal à Lens, effectivement. Même si Lens a globalement bien sûr dominé ce match, hein, on sentait bien la supériorité des nordistes, des Lensois, techniquement et puis sur plein de compartiments du jeu. Hein, ils ont vraiment procuré les plus belles occasions et le plus d'occasions. Mais Lorient a été tranchant, a su marquer, ouvrir le score déjà pour se mettre bien dans ce match. Il est 18e grâce à Bamba Dieng, l'ancien Marseillais. Hudson Edouard qui va réagir juste après la pause à la 49e. Et puis c'est Tolstine pour Lorient qui va marquer le 2-1 après l'heure de jeu. Lorient qui aura su tenir hein, les assauts Lensois. Donc franchement, c'est une très belle chose pour Lorient hein, qui peut encore, j'ai déjà espéré d'être une place en Conference League, mais bon, il y a encore du chemin quand même. Mais Lorient est très intéressant et très très vraiment intéressant à suivre. Mais Lens, c'est très très mauvaise opération parce que Paris ne jouait pas ce week-end, ils avaient moyen de reprendre la première place. En attendant que Paris, bien sûr, rejoue son match en retard contre Nantes, mais ouais, Lens a loupé le coche et Paris pourrait prendre plus d'écart. Donc attention ouais, au Lensois, il n'y a même plus de joker à prendre là, je pense, pour eux. Et ouais, c'est dommage de perdre ce match-là. Nice qui était en déplacement à Angers. Et Nice qui va briser la série de mauvaise série d'un 6 matchs sans victoire en s'imposant 2-0. Voilà, et en tout cas ça va un petit peu mieux pour Nice qui s'éloigne un petit peu de la zone rouge, même si rien n'est joué quand même. Ouais, c'était quand même compliqué pour Nice hein, on va dire déjà dans la première période hein, où Angers était quand même très entreprenant et très embêtant pour les Niçois, même en début de seconde période ça restait un peu compliqué. Et puis effectivement il y a eu cette entrée quand même et le retour d'Eli Wahi juste après l'heure de jeu qui va d'abord être un des auteurs principaux sur le but de Melvin Barr à la 65e qui va lui passer le ballon. Et puis ce but hein, d'Eli Wahi en toute fin de match 90+6 pour sceller définitivement la victoire niçoise à Angers. Donc c'est forcément oui, une belle opération pour les Niçois qui prennent pas mal d'écart maintenant sur la zone rouge, enfin sur la zone orangée de la place de barragiste hein, puisque Nice c'est 15e hein, juste devant Auxerre quand même, ils ont eu 8 points d'avance. Donc c'est forcément une très belle opération pour ouais voilà, c'est une place confortable et une victoire qui fait du bien pour les Niçois et qui donne vraiment beaucoup d'air. Ouais, Angers pour le coup qui joue plus rien désormais hein, avec cette défaite. Monaco qui recevait Brest, victoire 2-0 pour Monaco qui est un peu plus séduisant depuis quelques semaines. Hein. C'est vrai que c'est la 5e victoire consécutive en championnat. Il y avait eu 5 défaites consécutives juste avant. Bah là, il y en a 5 dans la faveur des victoires. Donc ça va mieux pour Monaco qui désormais est à un point seulement de Lille, on le verra, et puis qui recolle à Lyon à pas grand chose, à 4 points, et on le sait, il va y avoir un match entre ces deux-là ce week-end, donc ça va être un vrai gros match. On les sent libérés à Monaco, hein, maintenant qu'ils jouent plus le championnat aussi. C'est vrai. Il y a un certain relâchement qui fait du bien finalement et qui attire cette dynamique positive. Alors c'est dommage de ne pas l'avoir eu avant, oui. Du coup, mais là, oui, pour la fin de championnat, je pense que c'est une bonne chose quand même. Ouais, c'est Balogun qui est toujours en très grande forme, qui continue d'enchaîner les buts. Une seconde période plus ennuyeuse, hein, Monaco qui a maîtrisé pour le coup assez bien son match. C'est Golovin qui a faire le break pour sceller la victoire. Et face à une équipe de Brest qui était invaincue depuis 6 matchs, donc c'était vraiment pas simple. Mais ils ont fait le match pour le coup assez qu'il fallait, et donc ça permet de recoller gentiment et de pouvoir s'installer sur les places européennes. Pourquoi pas d'aller rêver mieux. Alors, de là être des champions, peut-être pas, mais on sait que ça peut, une 4e place peut aller se chercher. Donc il va falloir continuer. Il reste encore quelques matchs, ça va être que des finales. Il va falloir les jouer à fond. Donc pour Monaco hier, on va aller assez vite là pour Strasbourg Paris FC. Il n'y a pas eu de but, 0-0. Pour le coup, Strasbourg quand même qui a été plus dangereux dans cette rencontre, qui a plus tenté, qui a eu les meilleures occasions, mais ça n'a pas permis de s'imposer, grâce notamment ou à cause peut-être même d'un Kevin Trapp assez solide dans les buts du Paris FC. Troisième match nul consécutif pour Strasbourg, hein, vraiment qui avance plus, qui est désormais 8e et qui vraiment prend 6 points de retard sur Rennes et Monaco. Donc ça s'éloigne vraiment pour la Ligue des, enfin pour les coupes d'Europe. pour les Strasbourgeois. Et puis en revanche, pour Camboiré, avec le Paris FC, c'est un cinquième point en trois matchs, donc ça va bien mieux. Et désormais, le Paris FC, là aussi, un peu à l'image de Nice, a 9 points d'avance sur sur Auxerre, donc qui est vraiment, j'allais dire, dans une position confortable, bien plus confortable que les Auxerrois en tout cas. Donc pas de but dans ce match-là. Le Havre-Lyon, bah, pas de but non plus. On l'a dit, Lyon tout à l'heure qui était pas bien en Ligue des Champions, en Ligue Europa, et bah pas bien non plus en championnat avec, bah on l'a dit, beaucoup de blessés, hein, beaucoup de suspendus aussi. C'est vrai que ça aide pas pour faire une équipe potable pour Fonseca, mais mine de rien, il a essayé d'aligner un 11 assez compétitif. Ça a été compliqué, hein, malgré une réduction de l'écart de l'effectif du Havre à 10 à la 56e. Lyon qui n'aura pas réussi à marquer, voilà, qui a quand même pu être puni avec deux poteaux, hein, pour le Havre, et donc finalement un nul qui va satisfaire plutôt le Havre, hein, qui prend un nul, un point important pour le maintien, là aussi qui, comme Nice, à 8 points devant les Auxerrois. Donc c'est plutôt le Havre qui a fait la belle opération, et pour Lyon, quatrième match en victoire, et ça commence à faire beaucoup, et qui est désormais laisse Marseille s'échapper à 2 points. Alors c'est pas grand chose, 2 points, mais Lyon va jouer Monaco ce week-end, donc c'était pas le moment de perdre des points, notamment face à un mal classé. Donc plutôt mauvaise opération pour les Lyonnais. Le match que l'on n'attendait pas, c'était le Metz-Toulouse, en tout cas le spectacle qu'on n'attendait pas forcément dans ce match. Le match qu'il fallait voir peut-être ce week-end, le 4-3, et un Metz vraiment en réaction, là, on pensait pas, hein, puisque il y a eu 2-0 très très dans le premier quart d'heure, et on pensait un Metz qui allait s'écrouler. Loin de là, ils ont été sont revenus en 2 minutes, la demi-heure de jeu, avant de voir Toulouse marquer à nouveau avant la pause. Et puis ils ont rien lâché, les Messins, ils ont réussi à accrocher le match nul, enfin ils pensaient le match nul dans la fin de match. Et puis finalement 90+9, c'est vraiment cruel pour Metz qui va voir Toulouse marquer un but qui permet de s'imposer 4-3. Pour les Messins, bon, c'est vraiment dommage, un point a pu permettre de se rapprocher un petit peu de la place de barrage, mais en tout cas du grand spectacle, enfin on pensait pas sur ce match-là. Non, tu l'as dit, j'avais des buts coup sur coup là de Metz qui marque le 1-2 puis le 2-2. 30e, 31e, c'est vrai que c'était assez fou, et même dans le stade, enfin moi je l'ai vu bien sûr à la télé, j'étais pas au stade, mais on l'a vu, ça a vraiment surpris tout le monde, et ça a lancé vraiment un match assez dingue. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour Metz de pas repartir au moins avec le point du nul, effectivement. Là je pense que maintenant ça y est, sur un match comme ça où tu sens peut-être que le vent allait tourner peut-être pour une fois en faveur de Metz, je sens que même là, non, le destin il veut même pas ouais, parce que tourner en faveur des Lorrains. Là, voilà, je pense que la relégation, elle commence à être inévitable, forcément pour Metz, qui n'arrive pas vraiment à sortir de la panade, malheureusement pour eux. Et Toulouse, qui, du coup, avec cette victoire, passe 11e. Le match d'hier soir, c'était Rennes-Lille. Lille qui, on sait, jouait jeudi, qui a eu des difficultés face à Villa, et qui allait à Rennes pour vraiment un match pour l'Europe. Lille qui fait un beau résultat, qui s'impose 2-1 et qui va désormais être cinquième à 3 points de Lyon. Donc une belle opération pour les Lillois. Ah bah oui, forcément, belle opération. Puis je trouve un beau visage du LOSC quand même. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu un Lille solide comme ça, même si Rennes a plutôt eu l'avantage quand même globalement sur le match. Rennes quand même s'est pas mal surprendre à chaque fois, ouais, dans les débuts de période, hein, deuxième minute, dès le début de match, c'est Fernandez Pardo qui ouvre le score, à la deuxième. Lille va marquer donc 2-0 à la 47e, pareil, début de seconde période. Bon après c'est Le Pol donc qui va réduire le score pour Rennes, mais Rennes qui aurait mérité mieux, mais en même temps ils ont pas su trouver la faille. Et le 2-1, incroyable, 2-1 pour 3, but de Renaud Ripard, 85e minute, et 3 qui prend l'avantage et qui donc pour l'instant compte 4 points d'avance sur Saint-Té, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc but très très important, qui va célébrer avec le cop troyen, ils doivent être 20 à peine, en tout cas ouais, c'est le match qui tourne là à Annecy. Donc pour revenir à Rennes-Lille, on a revu un Lille solide, conquérant. On espère voir le même visage là finalement du LOSC à Birmingham jeudi, hein, face à Aston Villa. On espère qu'ils vont pouvoir reprendre de la graine de ce match-là face à Rennes. Il va falloir à peu près les mêmes ingrédients parce que je serai quand même sûrement plus fort en face. Donc il va falloir trouver pareil la même envie côté lillois. Et Rennes, c'est dommage qu'il chute après 4 victoires consécutives en championnat, donc coup d'arrêt. Et ouais. Bon, qui reste quand même 7e, hein, à égalité avec Monaco, donc c'est rien de rédhibitoire. Le classement, donc Paris 57, Lens 56, mais bah, on parie un match, on le sait. Marseille 3e 49, Lyon 4e 47, Lille 5e 44, Monaco et Rennes sont à 43 points. Et après, il y a un vrai fossé, on l'a dit, 8e Strasbourg 37. Ah, le top 7 est quand même bien dessiné, hein, alors. Peut-être qu'il y en aura un ou deux qui seront déçus. Ça va dépendre de ce qui va se passer aussi dans la Coupe de France, hein, qui va remporter cette coupe. Hein, ça peut se décider aussi avec ça. Et puis en bas, on l'a dit, hein, Paris FC 28, Le Havre 27, Nice 27, et puis Auxerre 19, Nantes 17, Metz 13. Mais Nantes, qui a un match en moins, on le rappelle, puisque ce Paris-Nantes qui a été reporté, hein, à la demande du club parisien. Pour l'instant, on n'a pas encore la date de report, mais ce sera donc dans la semaine du 20 avril, voilà. Ça se jouera ce match. On n'a pas encore la date précise, probablement le 21 ou le 22, un mardi, mercredi, mais il faudra confirmer ça. En tout cas, voilà, Nantes qui pourra, en cas de victoire, passer devant Auxerre, mais face à Paris, ça semble quand même compliqué, hein, bien sûr. Les pronostics avant de se quitter. Pas de vainqueur, 3 partout dans cette 26e journée. On avait quasiment les mêmes scores, donc c'était assez logique. Il n'y a que sur Rennes-Lille. J'ai hésité à mettre Lille, j'ai mis match nul finalement, mais ouais, c'est mis 2-2, mais bon. Toi, 3-2, j'avais mis Rennes vainqueur, ouais. Alors, Paris-Nantes, bon, on va le pronostiquer maintenant. Tu mets Paris aussi, j'imagine. Oui, hein, voilà. Parce que si tu peux mettre un nul et comme ça je gagne. Mais alors pour le coup, celui qui met nul et si ça se passe, il gagne. C'est un risque à prendre. C'est un coup de poker. Ah. Mais le risque, c'est de perdre aussi. Ah, voilà. C'est ça. Ça c'est, donc, y a plus de, je pense qu'il y a plus de risque de perdre que de gagner. Donc mieux peut-être mettre Paris. Ok, bon bah on y va pour pronostiquer donc la 27e journée. Avec vendredi, Lens qui reçoit Angers à 20h45. Et Lens qui est deuxième et Angers qui est douzième. Je vais mettre Lens qui va se reprendre, je pense. Ouais, je ne veux pas tenter un truc de fou. Même si le nul peut être, parce que Lens est du coup peut-être un peu en doute, même s'il faut là, il faut reprendre des points directs. Et Angers, on peut être chiant, même si c'est pas sur une grosse dynamique. Angers, non, je vais mettre Lens quand même, bien sûr, mais ça peut tourner encore. Samedi 17h, Toulouse, Lorient. Toulouse 11e, Lorient 9e. C'est pas simple ce match, je vais mettre un nul moi, je sais pas trop comment être là-dessus. Ouais, tu m'étonnes. Exactement. Ça joue plus rien là, les deux. Pratique, ouais, ça joue plus rien. Bah, c'est un peu ça. Alors, Lorient, ouais, est-ce qu'il va essayer d'aller gratter une petite conférence ou ligue ou pourquoi pas? Ça est compliqué celui-là. Ouais, il est pas simple. Pour l'instant, je mets nul. Je me laisse peut-être vite fait le temps de changer. 19h, Auxerre, Brest. Auxerre, 16e. Brest, 10e. C'est pareil, c'est pas simple. Ah, c'est à Auxerre en plus. Ah. Je vais mettre Auxerre. Ah, ouais, je sais pas si. Ouais, peut-être pas quand même, mais. Brest, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont perdu. Ah, ouais, ils ont perdu, mais ils étaient sur 3 victoires avant. Bah, je mets un nul, moi. Je sais pas très inspiré. Nice Paris. Non, ouais. Nice Paris 21h05. Nice le 15e Paris. Bah bien sûr leader pour l'instant. Moi je vais mettre Paris. Hein. Et si il y avait un petit nul là-dessus? Ah pourquoi pas. Est-ce que je suis joueur? Non, je vais mettre Paris. Non, je vais mettre Paris. Un dimanche on a Lyon Monaco à 15h. D'ailleurs, je comprends pas que ce soit pas le match de dimanche soir, mais pourquoi pas. Bah, dis-toi que même Nice Paris aurait pu. Mais et Marseille Lyon aussi. Monaco et Marseille Lyon. Aucun des trois. Non. Mais Lyon Monaco, Marseille Lyon surtout, c'était deux gros. Enfin sur même Marseille Lyon surtout. J'ai pas compris, mais bon. En tout cas, Lyon Monaco c'est dimanche à 15h. Mettre Monaco, moi qui est sur une belle dynamique, Lyon en plus joue jeudi. Ils vont peut-être galérer quand même pour se qualifier. enfin même s'ils se qualifient pas, ils vont galérer dans le match, je pense, donc ils vont perdre de l'énergie, et moi je pense que Monaco va enchaîner. Un sixième succès. Match nul. Match nul, ouais, pourquoi pas. Ça peut. 17h15, Rennes-Metz. Rennes qui est septième, Metz qui est dernier. Moi je vais mettre Rennes, je pense. Enfin, c'est ouais, sûr. Je mets Rennes. Paris FC, Le Havre, pas simple ça. Paris FC 13e, 28 points. Le Havre 14e, 27 points. C'est pas simple. Je vais mettre Paris FC moi à domicile. Ouais. Bah, moi aussi, ouais. Et puis Marseille-Lille, du coup, bah, c'est bizarre ce match à 17h15. C'est très rare de voir Marseille jouer à cette heure-là. Une semi-multiplex à 17h15, mais pourquoi pas. Donc bah voilà, on le sait, hein, le 3ème contre le 5ème. Moi, je vais mettre Marseille. J'imagine, moi, je vais mettre Marseille aussi. Marseille. Donc Lille joue jeudi. Hein, pareil, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il va arriver un petit peu sur les rotules. En plus, il est en déplacement. Donc ouais, je pense qu'ils vont être un peu cramés pour le match de dimanche. Et puis bah, on l'a dit, donc 14h45, c'est un Nantes-Strasbourg. Assez étonnant, mais pourquoi pas. 17ème contre 8ème. Franchement, en plus, j'aime pas quoi mettre sur... Enfin, je sais que je vais mettre Strasbourg, mais le score, je vais mettre 3-1, mais sans grande conviction. Il m'inspire pas trop ce match de dimanche soir. Non. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, franchement. Bon, après, c'est une histoire de droit de télé... potentiel coup de tour, ouais, je sais pas trop. Je crois que je pense que Ligue 1 Plus peut pas peut-être diffuser tous les matchs qu'ils veulent en 20h45, je sais pas. Mais après tout, pourquoi pas. Ce qui leur présente là, c'est Baye Daliodic. J'en ai aucune idée. Je vais mettre il faut y aller là. Je vais mettre 1-0 Strasbourg. Ok. Alors, et pour Toulouse-Lorient, tu restes sur ton nul? Je déteste cette journée là. J'aime pas non plus, elle m'inspire pas beaucoup. Hein. Non. Ouais, je vais pas bouger. Je vais pas bouger. C'est comme ça. Donc, deux résultats différents. Enfin, trois si on compte le score de Marseille-Strasbourg, mais bon. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on verra bien. 2-2, tiens, Wolverhampton qui a égalisé à Brentford, 2-2, 79e. Rayo Vallecano Levante toujours 1-0 pour Levante, 75e. Annecy 3, c'est le temps additionnel. Hein. On arrive là, au bout. On joue actuellement là, 90 plus 3, on est à 93e, il y a 7 minutes en tout. Hein, de temps voilà. Et puis et là, il y a un coup franc pour Annecy, donc attention. Et 4-1 pour Fiorentina qui mène toujours face à Cremonese. L'agenda pour se quitter. On vous l'a dit, hein, Ligue des Champions, ça reprend demain pour les matchs retour avec Paris Chelsea, enfin Chelsea Paris plus précisément. Voilà, donc il y aura aussi des autres matchs bien sûr. Le jeudi, place à Aston Villa Lille, et avant cela c'est Lyon qui reçoit Celta Vigo. Et puis on a également Strasbourg, hein, réception de Rijeka pour se qualifier pour la suite, pour les quarts de finale de cette compétition. Et puis bien sûr, à partir de vendredi, le retour des championnats, différents championnats, pour la dernière avant la trêve, puisqu'après ce sera la trêve internationale pour la semaine prochaine. On l'a dit. En tennis, cette semaine, c'est Miami, donc enchaînement de nouveaux Master 1000, donc à partir de demain. Voilà. Ensuite, on aura en basket, donc pour Orléans qui va... Donc, eh bien, on va essayer de s'enchaîner un succès avec la réception de Pau. Ce sera demain. Il y a un autre match, donc, vendredi avec le déplacement à Vichy. Enfin, deux matchs cette semaine. En handball, c'est la trêve internationale. Donc, il y a deux matchs cette semaine pour l'équipe de France, chez les hommes, face à l'Espagne, donc, à domicile au Mans et à l'extérieur ensuite. Donc, deux matchs amicaux pour l'équipe de France. Voilà, donc pas de championnat forcément. Et puis dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, ce sera Oslo en Norvège pour les dernières étapes, enfin les dernières courses pour connaître le dénouement pour les gros globes, et pour deux Français un Français chez les hommes, une Française chez les femmes pour remporter cette Coupe du monde cette saison. Ils sont en très bonne voie. Voilà pour ce qui nous attend tout au long de la semaine. Et je le disais, il y a un grand prix donc qui se jouera aussi ce week-end Donc en MotoGP, ce sera le Grand Prix du Brésil pour la deuxième étape de cette saison. Et en Formule 1, donc on aura dans 15 jours, il n'y aura pas de Grand Prix ce dimanche. Voilà pour notre agenda de la semaine. Tiens, au passage, on n'en a pas parlé, mais on n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Nouveau record du monde pour Arnaud Duplantis, hein, à la perche, qui a passé une barre à 6,31. Voilà, rendez-vous compte, qui était à domicile. C'était chez lui en Suède pour un meeting, et donc il a de nouveau battu son record du monde pour atteindre les 6,31. Donc incroyable. Et puis il sera à Paris là pour l'étape de la Delmonique pour essayer peut-être encore de l'améliorer, sait-on jamais. Voilà pour ce petit mot athlétisme. 22h40, on va se quitter avec un tout dernier titre. Il y a un beau petit sac, hein, pour Duplantis encore, hein, bien sûr. Bah ouais, à chaque fois, hein, on comprend pourquoi il prend 15 cm à chaque fois. Hein. Ceci dit, à l'époque de Sagaï Boubka, c'était pareil, mais lui, il en a battu encore plus que ça. Hein, je crois qu'il en a battu 30 des records du monde. Donc forcément... Combien de chèques à chaque fois, c'est 100 000 ou... Ça dépend si c'est des meetings, ça dépend si c'est des Jeux Olympiques, ça dépend si c'est des championnats du monde. C'est pas la même somme. Mais en gros, ouais, les étapes de meetings, c'est 100 000, hein, grosso modo. Donc forcément, bah, on comprend. Si t'en mets 10 d'un coup, c'est sûr que c'est moins intéressant. C'est fini en Italie, et puis donc 4-1 pour la Finlande. Et puis c'est fini en Ligue 2. Ou pas. Quasi dans 20 secondes, une poignée de secondes, ça a pas mal chauffé, hein, parce qu'il y a eu presque un penalty pour Annecy. Il y a même un carton rouge pour un membre du staff d'Annecy, du coup, et dernière attaque. Rapidement, peut-être la bise vite fait d'Annecy. Ça rentre dans la surface, et, oh, c'est pas si penalty, je crois, pour Annecy. Ouh là là là. Ben non, c'est pas sifflé par le seul arbitre. Et on rappelle qu'il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Ben non. Il n'y a pas de VAR possible, hein, donc, on arrive à la 7ème minute de ce traditionnel. Bah allez, on termine avec 3. Toi. On termine avec la fin du match. On est sur la ligne médiane, un carton jaune pour et deuxième carton jaune et carton rouge pour Jacob, le numéro 7 d'Annecy, qui avait pris un jaune justement quand ça avait commencé à se chauffer un peu il y a quelques minutes là dans les arrêts de jeu. Donc Annecy qui va finir à 10 ce match et 3, donc il y a un coup franc maintenant là au niveau de la ligne médiane, donc on comprend pas du tout, hein, du côté du banc du FC Annecy. Donc je pense qu'on va globalement se quitter sur une victoire de l'Estac, mais c'est vrai que ces arrêts de jeu là, il y aura peut-être des choses à redire côté de l'arbitrage et côté Annecy, parce qu'il y avait peut-être, on voit l'action là, il prend le ballon, hein, je crois que c'est Adeline, hein, numéro 5, 3-1 qui tacle, il prend le ballon en premier, puis il prend un peu le joueur après, ça dépend les angles effectivement, il faudra en voir plus, mais je rappelle, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, donc c'est compliqué la première impression de l'arbitre, c'est la seule, donc on revient un peu à l'ancien foot, mais ouais, bon, pour l'instant, voilà, donc les Jacob qui sort, exclu. Annecy donc, ouais, qui va finir à 10 contre 11. Et, voilà, on a la 8ème minute au temps additionnel. Il a bien été dépassé le temps maintenant. Match qui devrait donc se conclure sur ce score de 2-1 là, dans quelques instants. Très bien. Bon, bah, on n'ira pas au bout alors. Il ne va pas se finir ce match. Ça met du temps parce que les soigneurs du coup là sont près du joueur de l'Estac. Hein, c'est joué par les croyants, c'est lancé côté gauche, mais le contrôle va être manqué, ça part en 6 mètres, et l'arbitre qui ne siffle pas encore va peut-être laisser encore. C'est vrai qu'il y a pas mal de faits de jeu là dans ce traditionnel. Il se récupérerait par 3 dans le milieu de terrain. Ça va repartir côté gauche avec Ripard qui va essayer de décrocher la caravane. Et c'est la fin du match, victoire donc de l'Estac, 2-1 du leader, et qui met donc 4 points d'avance sur les Verts, avec une fin de match un petit peu chahutée entre les deux équipes, mais 2-1 donc pour l'Estac, ouais, effectivement, et Annecy qui manque une occasion, on le disait, de rallier, enfin en tout cas de se rapprocher de ce top 5 et des barrages. C'est ça. On se quitte avec quoi, Hugo? On se quitte avec? On se quitte avec, je crois que c'est Taiga et Offset, il me semble. Exactement. Rendez-vous lundi prochain, même heure, pour la nouvelle émission. D'ici là, bonne soirée, bonne semaine. Merci Hugo. Merci Lamine, merci à toutes et à tous. Très bonne semaine. À lundi. Ciao. Slide on the pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan?